Pas de changement cette semaine dans l'Eurodance 25. Vous venez de le découvrir à l'instant. Voilà les 5 premiers de ce soir. 5e plus 3 pour Snake et Justin Bieber avec le Let Me Love You. Ça ne bouge pas pour David Guetta et Zara Larsson. Toujours 4e avec le This One For You. Martin Solveig gagne 4 places et se retrouve 3e pour le Do It Right. 2e, Kongs avec This Girl. Et 5e mois de présence. 20e semaine pour Calvin Harris et Rihanna. Le This Is What You Came For reste toujours premier ce soir, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On a perdu Snake et Talk et Ciali et Farben avec le Plistel Rosie. Voilà pour les deux sorties de la semaine et les deux entrées, celle de Sac Noël avec Sean Paul pour Trumpet, c'est sorti avec Vasilando. Prochain classement dimanche prochain à 18h, d'ici là le Night Show à 22h, Love in Fun dans un instant, et nous on va se retrouver à minuit histoire de terminer le week-end en beauté, et un programme aux petits oignons, ça sera Party Fun Deep. Voilà, bon appétit pour tout le monde, et Love in Fun, ils sont en pleine forme. Bah ouais, carrément. Bah oui. T'as tout dit là, hein. Bah j'ai tout dit. Aux petits oignons, bon appétit à tous. Exactement. Et je vais me faire une poule au pot. Et je vous embrasse. Salut Miko, ciao ciao. Salut. Et nous on est parti. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Et en pleine forme, comme tous les soirs du dimanche, jeudi. Très content d'être avec vous, de vous retrouver après un bon petit week-end. C'est encore le week-end, j'espère que tout va bien, que vous en profitez bien. On est parti pour 2 heures de libre antenne au standard 01 42 48 5000. Vous allez pouvoir venir vous lâcher, dire ce que vous voulez. On est plusieurs, hein, tous les soirs. Moi, je m'appelle Karel. Doc est avec nous, oui, comme tous les soirs. Salut, beau gosse. Oui, et toi? Je t'ai vu à la télé ce week-end, Doc. Ah bon? Où ça? Ouais, on fait des petits reportages sur toi et tout. Non, qui est-ce qui a fait ça? Bah ouais, non, je te jure, je t'ai vu à la télé, Doc. J'ai reçu des messages. Alors, je sais pas. Bon, ah bon. Franchement, ça devait pas être marquant, alors. Je fais partie de ceux qui ne savent pas quelle chaîne ils regardent. Mais en tout cas, voilà, t'étais beau, t'étais fringant, tu m'as beaucoup plu. J'étais fier de te connaître, Doc. D'accord. Comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va, très contente de revenir après un bon et long week-end. Avec Alice, on est sortis ce week-end. Ouais, et avec Cassim aussi. Et avec Cassim, ça, tout le monde ne pouvait pas être de la partie. D'ailleurs, je remercie tous les lâcheurs qui ne sont pas venus à cette soirée, notamment Godefroy à l'Area, le Standard avec Guillaume, entre autres. Hein. Cindy et, aussi. Hein, oui, non, mais Cindy, elle était malade. Ouais. Enfin, on l'a toujours pas vu vomir. Elle nous parle de gastro, mais il nous faut des preuves. Bon, donc on savait qu'il était avec Katoche, donc c'est normal. Mais alors, tu sais qu'on a fait la connaissance de la nouvelle copine de Cassim, le producteur. Eh ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah, il a bonne, changé, hein, là. Ah bah, tu sais quoi, mais c'est vrai, cette histoire de cougar. Non, mais c'est vrai. Non, mais alors, elle est très sympa. Oui. Vraiment. Elle est super, mais elle est... Bah, elle a pas ton âge, quoi. Enfin, elle a 30 ans de plus que toi, quoi. Bah oui. Bah, ça se passe bien. C'est quelque chose. Bah, ouais. Hein. Je peux vous le dire. Alors, j'ai essayé de faire... Mais... C'était un peu la nounou de la soirée, quoi. C'est une copine de Katoche. C'est un mytho grave. Non, je te jure. Alors, j'ai même essayé de faire un snap, mais elle s'est cachée. Ouais, c'est vrai. Ah, non, c'est la stricte et unique vérité. 01 42 48 5000. On vous attend nombreux, nombreuses. N'hésitez pas à venir nous raconter comment s'est passé votre week-end. Si vous êtes sorti, vous avez fait la teuf, vous êtes peut-être malade. Il y a beaucoup de malades en ce moment. On a Alison qui est avec nous. Alison qui sera notre auditrice toute la soirée. Elle a 19 ans. Elle est de Laval. Bonsoir, auditrice de la soirée. Salut tout le monde. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive là? Salut Alison. T'as passé un bon week-end? Qu'est-ce que t'as fait, toi, ce week-end? Ce week-end, j'ai dormi, je suis rentrée chez moi. C'est vrai? Non, parce que moi, j'ai l'impression que toutes les filles, le week-end, ce qu'elles font, c'est du shopping. Bah oui. Enfin, certaines. Non, mais c'est quoi ce sexisme de balle? C'est quoi ce sexisme de balle? Alors, c'est pas du sexisme du tout, ma meuf. Bien sûr que si, le cliché. Ma meuf, elle fait du shopping. Oui, bah oui, je vois Alice, t'as passé un bon week-end. J'ai fait du shopping. Non, mais c'est sans déconner, c'est vrai. Alison, t'as fait du shopping ce week-end? Bah non, j'ai pas pu. Ah, mais t'es malade, t'es malade. Non. D'accord, qu'est-ce que t'as fait alors? Je suis rentrée à la maison, j'ai dormi, j'ai profité de tout le monde que je vois pas la semaine. Et voilà. Voilà, tu t'es rapprochée de tes amis et ce soir tu vas passer la soirée avec nous, ça te plaît? Oh bah carrément. Alors tu vas faire de la libre antenne avec nous, tu es notre auditrice de la soirée, tu peux réagir à tout ce qui se passe pendant l'émission et là on va tout de suite accueillir Mathilde. Elle a 22 ans, elle est d'Auxerre. Bonsoir Mathilde. Salut Karel, salut le Doc, salut Salis, salut tout le monde. Salut. Mathilde, ça va? Toi t'as passé un bon week-end, t'as fait du shopping? Non, j'ai passé au lit malade. Ah ouais, voilà, t'es malade. Ah, putain, et t'as quoi comme maladie? Parce que tu sais, on a Doc qui est là, il peut te... Je remercie d'ailleurs la salle de sport qui a mis la clim, parce qu'à cause de ça, je me retrouve avec une bronchite asthmatique. Oui, parce qu'ils ont dû bousculer de la poussière, d'accord, c'est possible. Bon, donc voilà. Ouais, Mathilde, je suis désolé, mais... Non, mais c'est pas grave. En tout cas, t'as pris ton téléphone, t'as voulu nous parler d'un truc important là ce soir. Oui, Oui, qui est plutôt important et ça peut pouvoir m'aider, ça serait bien. Vas-y. En fait, je suis avec quelqu'un depuis 2 ans. Ouais. Mmh. Et en fait, je fête mon anniversaire qui est le 7 octobre, donc vendredi. Mmh. Et en fait, ça va plus du tout entre nous. Je souhaite te quitter parce que ben on fait que de se prendre la tête, il se passe plus rien du tout. Mmh. Et voilà, il passe ses week-ends à lui un peu de son côté. Voilà, c'est un peu compliqué. D'accord. Le seul souci, c'est qu'en fait, la dernière fois, quand il est allé se doucher, j'ai cramé en fait sur son téléphone des SMS hein, ouais. et plein de choses où en fait, il me préparait un week-end de fou dans un hôtel avec plein de choses où je pense qu'il y en a pour pas mal d'argent. Ouais. Donc je me pose la question en fait de savoir si, est-ce qu'il faut que je le quitte avant ce week-end, mais je me dis, le truc, c'est qu'il aura dépensé de l'argent pour rien, ou est-ce que je profite de lui ce week-end et je quitte après ça, quoi. Donc, je sais pas trop quoi faire. Pas, Mathilde, tu ne serais pas un peu vénale? Non. Non. Si, parce que profiter du pognon qu'il a dépensé, non, tu lui dis avant. Et ça fait 2 ans qu'elle se le tape, donc elle peut bien profiter de cette soirée. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a prévu? En fait, c'est tout ça. Il a prévu quoi? Ah, il a prévu hôtel, il a prévu du spa, il a prévu plein de choses. Alors, quoi. Il a prévu pour resto. Tu peux lui dire pendant le week-end. Voilà, c'est ça. C'est au pire moment. Ouais. Genre samedi soir. Bah, ouais, tiens, voilà. En fait, je voulais te dire. Ouais, c'est fini. Comme ça, il va passer un week-end de merde. Non, franchement, normalement, on quitte avant. Ah oui, il faut être honnête. Tu sais, non, l'honnêteté, ça paye toujours. T'es sûr que tu veux le quitter? Ça, t'es certaine. Parce que, attends. C'était la seconde chance qu'il nous laissait. Attends. S'il met le paquet comme ça. Ouais. C'est que quand même, d'abord, il doit avoir des sentiments pour toi, il veut récupérer l'affaire. Ouais. Peut-être, moi, je te dis ça. Alors, est-ce que, éventuellement, s'il change, puisque c'est cela dont il s'agit, s'il a décidé de changer, est-ce que tu ne veux pas lui donner une dernière petite chance? Ou est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Il va vraiment changer, quoi. Attends. Non, moi, j'ai personne d'autre. T'es sûr? Personnellement, voilà, j'ai... Non, j'ai 2 ans que je suis avec lui, je m'amuse pas à droite et gauche. Alors, je vais te donner le bon conseil. Tu passes le week-end avec lui, tu lui dis, ok, c'est sympa, j'apprécie, mais reste le problème de fond. Et le problème de fond, puisqu'on est tous les deux en tête à tête, eh bien, on va en parler. Et là, tu évoques ce que tu as à lui reprocher. Ça peut être l'occasion d'en parler, sans être prise de tête, mais... Oh bah voilà. Si, ça va forcément être prise de tête. Non, mais attends, c'est hypocrite de faire comme si rien n'était, puis lundi matin, et en fait, je vais te dire, je me barre. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord, mais moi, je pense... Non, mais il faut profiter de ça. Alors, peut-être pas la première soirée, mais je sais pas, le deuxième soir, ou ouais, le dimanche matin, avant la messe. Ouais. Ça se trouve, il a prévu de te demander en mariage, hein, Mathilde. Ouais. Hein. Je ne sais pas, j'en sais rien du tout. Alison, notre auditrice du soir, qu'est-ce que tu ferais, toi? Ton copain, il t'a organisé un truc mortel pendant le week-end, et toi, bah, tu t'apprêtes à le quitter. T'y vas ou t'y vas pas? Bah, concrètement, je sais pas, ça c'est difficile à... Ben ouais, ouais. Elle y va. Je suis dans la même situation que Mathilde. Ouais. Enfin, je sais pas, franchement, je... Et toi, Alice, t'irais ou pas? Bah, moi, déjà, je lui en parlerai. Et je me dis qu'on ne sait pas, ça se trouve, il ferait bien quand même d'y aller ensemble, mais tout en sachant que c'est clair entre eux par rapport à ce point-là. Parce que le pauvre, ça se trouve, il y a des tas de choses qui sont réservées, il ne peut pas annuler, il ne peut pas tout ça. Donc, je pense que ça serait quand même bien d'être clair avec lui et de voir et de lui laisser prendre cette décision. Ouais. Parce que malgré tout, ce n'est pas à elle de la prendre. Ça, quoi. Ça fait combien de temps que tu as pris la décision, Mathilde? Oh, ça fait quand même déjà 4-5 mois que ça va plus. Non, mais attends, t'exagères quand même. T'attends le dernier moment aussi. Ah, tu vas te faire engueuler. On a déjà parlé plusieurs fois sur certaines choses. Voilà, il cherche à se rattraper. Et c'est pas spécialement remis en question. Et voilà, donc, il cherche à se rattraper. Bah, bien sûr. Si tu donnes la dernière chance. Le week-end de la dernière chance, j'ai envie de dire. De toute façon, Mathilde, tu regretterais de ne pas y être allée. Bah, c'est surtout que j'apprécie. Et fais-lui une dernière fois l'amour. C'est pour ça que j'ai parlé, quoi. Non, mais attends, vas-y, loyalement. Et puis après, à la fin du week-end, si tu refonds, si à nouveau tu as des sentiments pour lui, bah, tant mieux. Mais si ça marche pas, tu n'y es pour rien. Si au bout du week-end, puisqu'il fait ça pour te séduire à nouveau, si ça ne marche pas, il aura tout fait pour, mais ça ne marche pas. Donc tu peux tout à fait lui dire que finalement, voilà. Mathilde, on se donne rendez-vous dans une semaine, d'accord? Ça marche, pas de soucis. Le week-end sera passé et tu verras nous raconter ce qui s'est passé, d'accord Mathilde? Ça marche. Ben, un grand merci à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Et tu reviens quand tu veux, Mathilde. Ça marche, un grand merci à vous tous. Salut ma chérie. On a Mathieu qui nous appelle au standard 01 42 48 5000. Vous faites comme Mathieu, signé Guillaume qui décroche le standard tous les soirs. Et t'as 18 ans, t'es à Châteauroux. Bonsoir Mathieu. Ouais, salut Karen, salut Doc, salut Alice. Salut Mathieu, tu nous appelles pourquoi toi? Alors moi je vous appelle parce qu'en fait quand je rêve d'une relation homosexuelle avec un de mes amis et je voulais savoir si ça voulait dire que je suis gay. D'accord, tu bouges pas, on en parle après Sound of Legend. Voici Blue sur Fun Radio, c'est Love in Fun tous les soirs 20h-22h. Bonne soirée tout le monde. Blue d'Abadi sur Fun Radio. Love in Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Je viens à l'instant de poster un petit snap là sur le Snapchat de l'émission Love in Fun Radio. N'hésitez pas à aller mater la story tous les jours pour nous ajouter sur Snapchat. Love in Fun Radio, tout attaché. On lit vos messages régulièrement que vous nous laissez aussi sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de l'émission, le Twitter, hashtag Love in Fun. C'est Alice qui lit tout en direct. Un message de Noémie. À chaque fois que je vois de l'argent chez quelqu'un, je peux pas m'empêcher de le voler. Pourquoi je suis comme ça? Parce que tu es une voleuse. Kleptomane? C'est tout. Non mais attends. On doit vivre dans le respect de l'autre. Et je suis désolé, ne pas voler, c'est le premier des respects. Moi, j'ai pas envie d'être volé, je vole pas. Et même, voilà, l'autre jour, je vous l'ai dit, hein, je sortais d'un grand magasin, pas très loin d'ici. Je vais au premier étage et le mec, je lui demande des protège-écran. Ouais. Il me dit, oh, bah, pas de problème, vous allez au rez-de-chaussée et puis vous allez payer. Et il me fait pas accompagner. D'accord. Je me retrouve sur le trottoir. Ouais. Et bah, je suis quoi? Avec l'objet? Donc, ouais. Tu pouvais te casser sans payer? Bah, je suis descendu pour payer. Oh putain. Alors. Quel bon gars. Sans déconner, Doc. Non mais c'est... Alors que attends, nous, à l'inverse, avec Cassim et sa copine, on a fait un resto basket. On s'est cassé sans payer. Alors tu vois. Non mais attends, c'est pas ça. C'est que moi, je dis pas que je suis plus vertueux que vous. Ouais. Je dis simplement que j'ai une règle extrêmement. Non mais attends, une règle de vie. Je ne fais pas aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse. Bravo, Doc. C'est tout. Même à un magasin. Même à un magasin. Mais non mais attends, Doc. Attends. Hey, attends. Ok, le magasin, c'est un mec qui bosse, qui est payé, voilà, qui est salarié. Il aurait eu sa sortie de sa caisse, ben le mec, on aurait vu ça et c'était pour sa pomme. Moi, je te crois pas, Doc. C'est juste que si tu te barres en courant, personne. Enfin, tu vas te faire attraper. Quoi. Non, t'es dehors. C'est clair. C'est clair, c'est lui. Même pas. Toi, c'est ta position. Moi, c'est pas la mienne. Doc, en attendant, je te rends ton portefeuille. Et prends pas mon portefeuille. Mathieu est avec nous. Mathieu, 18 ans de Châteauroux. Salut, Mathieu. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. C'est l'équipe honnête ici sur Fun Radio tous les soirs. On est dans l'honnêteté la plus totale, Mathieu. On ne triche pas, on ne dit pas que notre émission est enregistrée parce qu'elle est en direct tous les soirs. Nous on est comme salut. Ça. Bonjour. On dit la vérité. Dis bonjour. Il est 20h13, on dit bonjour à la caméra puisque nous sommes filmés. Voilà, tous les soirs, vous pouvez nous mater sur le site de funradio.fr. Alors Mathieu, comme ça, qu'est-ce qu'on fait des petits rêves la nuit? Ouais, des rêves qui me tracassent un peu quand même. Vas-y. Parce que j'en rêve naturellement de plein de choses, mais quand je fais des rêves un peu sexe, je suis complètement hétéro, mais quand je fais des rêves un peu sexe, je rêve de mes copains, enfin de mes amis plutôt, que je les suce, je les sodomise et tout ça, tu vois. Ah putain. Et en fait, c'est surtout avec mes potes quoi, mes rêves, c'est pas avec d'autres mecs et tout, c'est surtout avec mes potes. Et du coup, je me disais, est-ce que ça peut avoir un est-ce que tu peux avoir une tendance homosexuelle, c'est ça que tu veux dire? Voilà, ouais, c'est ça que je veux dire, quoi. On se calme, Si, attends. Mathieu. J'ai jamais rêvé que je me tapais Kassim, hein. Mais tu le fais, en revanche. Tu ne rêves pas, mais tu le fais. Mathieu, oui. Quand tu es dans la rue, quand tu sors, qu'est-ce qui t'attire, les garçons ou les filles? C'est plutôt les filles, celle-là elle est bonne, machin, tu sors avec une fille ou pas? Là pour le moment je suis célibataire, mais j'ai déjà sorti avec des filles. Tu ne sors qu'avec des filles, il n'y a que des filles. Ouais. Tu as la réponse à ta question, c'est tout. Ouais, enfin Doc... Ça fait pas si longtemps que ça que je rêve des garçons. Les fantasmes homosexuels ou les rêves homosexuels ne veulent pas dire que tu es homosexuel. C'est pas la même chose. Alors c'est sûr que certains homosexuels faisant du prosélytisme te diront si, c'est que tu l'es. Non, moi je ne dis pas cela. Je pense qu'à ton âge, ça peut arriver qu'on ait cette ambiguïté parfois. Il rêve de ça plusieurs fois. Il dit je me fais sucer. En tout cas, si tu es vraiment cette orientation sexuelle. Tu l'auras dans ton conscient, pas que dans ton inconscient. Mais justement, quand tu te masturbes, Mathieu, ça t'arrive de penser à tes potes aussi? Non. Genre une petite image comme ça qui traverse ton esprit, jamais ça t'arrive? Une petite image. Ah ouais. C'est du fantasme. Okay. Non, mais il faut pas que tu associes tes fantasmes à la réalité. Ce que tu vois, c'est ce que je vois chez toi, c'est que t'es totalement libre de ton choix. L'homosexualité n'est pas tabou, donc t'as pas de honte pour cela. Ça te fait peur l'homosexualité ou pas? Non, du tout. J'ai des amis qui sont homo, mais voilà. Eh bien voilà. Mais on fait ce qui compte, c'est ce que t'as envie. On fait tous des rêves érotiques, n'est-ce pas, Alice? Oui, ça m'arrive. Ah, c'est vrai, des fois tu rêves. T'as déjà rêvé. Non, mais franchement, dis la vérité. Est-ce que t'as déjà rêvé de rêves érotiques à la radio? À la radio? Ouais. Donc ça se passait au sein de la radio Non, pour être très clair, si c'est avec lui, quoi. Non, mais non. Ça peut être avec quelqu'un d'autre. Même dans mes rêves, si tu fantasmes sur lui, c'est tout ce qu'il veut savoir. Rêves, je n'ai jamais fait l'amour à la radio. Ah merde. Putain. Mais la radio est déjà venue à mon appartement. Ouais, mais alors. Ah bon? Non, c'est une blague. Ah mais d'accord. Donc j'ai rebondi direct. Ouais, donc si t'as pas rêvé de ça, c'est que Doc il a raison. C'est pas parce qu'on en rêve pas que ça va pas se réaliser. Quelque part. Mathieu. Oui. Tu n'es pas homosexuel. D'accord. Mais ça pourrait le devenir. Moi c'est mon avis. Hein. Ouais, comme toi avec Alice sous le bureau dans les bureaux de Levinson. Voilà. Alors ça. Si le bureau était assez grand, on se serait permis, bien sûr. Mathieu, tu reviens quand tu veux. On embrasse tes amis. J'espère qu'ils écoutaient la radio ce soir. Hein. On n'appellerait pas un de tes potes pour dire putain toute la nuit j'ai pensé à toi, je t'ai sucé. C'est un peu la honte quand même. Bon, on va laisser tomber. Alors Mathieu, tu reviens quand tu veux en tout cas. Et rassure-toi, t'es normal. Salut à toi Mathieu. 01 42 48 5000 numéro de téléphone pour nous appeler. On sera avec Karine tout de suite. Karine, 23 ans de Nice. Salut Karine. Salut toute l'équipe. Bonsoir ma Karine. T'appelles pourquoi toi? Parce que moi j'ai besoin de toujours mentir. Tu t'appelles vraiment Karine? Oui. T'as vraiment 23 ans? Oui. Ça va, tu nous dis la vérité pour l'instant. T'as besoin de tout le temps mentir et ça te pose un souci, c'est ça? Oui, forcément, parce qu'au bout d'un moment, mes amis s'en rendent compte. Il y a pas mal de mythos comme ça qui ont besoin de s'inventer une vie. Je dis pas que c'est ton cas, Karine, mais on va en parler dans un instant si vous souhaitez réagir. On connaît tous des mythos. 01 42 48 5000 et montez le son. Voici WNW et Hardwell sur Fun Radio. C'est vraiment excellent ça. WNW et Hardwell sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love, love in fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Tous les soirs, on est en direct, hein, du dimanche au jeudi, au 01 42 48 5000. On va prendre des nouvelles de l'appel à l'aide de cette semaine qui nous a beaucoup marqué. C'est Kylian qui est avec nous. Kylian, 13 ans de Blois. T'es là, Kylian? Salut. Ouais, je suis là. Salut, Kylian. T'es chez toi, là? Ouais, je suis chez moi. Ok, tranquille. Alors, je vais rappeler, hein, pour ceux qui étaient pas là cette semaine, qui ont manqué cet appel à l'aide. Kian, il nous avait appelé, était avec son baluchon, hein, en train de fuguer, en fait. Et tu t'es dit, il faut que j'appelle Love in Fun parce que je suis peut-être en train de faire une connerie. Donc, on va réécouter ce moment-là, Kylian, et juste derrière, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé, d'accord? Ok. On écoute. Salut. Salut. Salut à toi Kylian, bienvenue dans Love in Fun. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que t'es là déjà pour rassurer un peu tout le monde là, parce que t'es parti de chez toi là. Bah ouais. Vas-y, raconte-nous pourquoi t'es parti et tout là. Bah j'ai reçu un mot dans le carnet, c'est parti d'un truc tout con en plus. Et puis bah, c'est quoi après, le mot dans le carnet? Bah ouais. Parce que j'ai cassé la gueule à un pote au collège. D'accord, donc là le principal ou le... a mis un mot dans le carnet. Comment tes parents ont réagi? Bah mal, parce que ce qu'est, c'est que je commence une nouvelle année, je suis dans le privé et tout, là juste l'exclusion peut-être là du coup. Oui, évidemment, c'est préoccupant, mais tu regrettes en même temps. Oui, aussi. La solution la meilleure, c'est que je puisse moi commencer à parler à tes parents, déjà pour les rassurer, mais pour essayer de trouver un chemin de dialogue avec toi. Donc j'appelle ta maman tout de suite, reste bien en ligne, je vais lui dire. Ok? D'accord. Julie? Ouais. Allô? Allô? Bonjour madame, vous êtes Julie? Oui. Je suis pédiatre, je suis médecin, je fais une émission sur Fun Radio qui s'appelle Love in Fun. Et je viens d'avoir votre fils au téléphone, Kylian. Oui. Voilà. Vous savez qu'il a fugué, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, je voulais évidemment parler un peu avec vous, car là, il est en ligne, il ne peut pas parler pour l'instant, il va parler tout à l'heure pour qu'effectivement cette fugue cesse. Donc, il s'est passé quelque chose et il a reçu un mot, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, puisqu'il ne veut pas me le dire, donc je ne sais Alors, pas. Alors, il s'est passé quelque chose au collège, et ça peut être plein de raisons, là, il ne nous l'a pas dit. Je sais qu'il nous a donné une raison qui n'est pas la vraie, c'est-à-dire l'histoire de la bagarre, c'est pas vrai. Il y a autre chose qui s'est passé, probablement quelque chose qui a généré chez lui une panique totale, et qu'il n'a pas trouvé d'autre solution que de fuir. Là, ce qui serait bien, c'est qu'il nous explique un peu la raison exacte, et moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons possibles, qu'il ne nous a pas dites, pour que vous puissiez déjà qu'il rentre à la maison, et qu'on puisse trouver un terrain d'entente, de discussion avec vous, voire après avec un spécialiste, psychologue ou autre. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ok. Est-ce que Kylian est là? Oui, il est là, ouais. Kylian? Oui. Bon, voilà, ta maman est là, et elle est ravie de savoir que tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, bah oui. Voilà. Donc Kylian n'est pas très très loin, je pense que vous allez pouvoir bien sûr le récupérer. Kylian, il y a quelque chose qui me préoccupe énormément, c'est qu'il y a certainement quelque chose de grave que tu n'oses pas dire à tes parents, ni à personne, qui s'est passé à l'école, mais que tu n'oses pas dire, que peut-être tu es victime même. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à le dire, je ne sais pas comment le dire en fait. C'est avec quelqu'un d'autre qui s'est passé quelque chose? Oui. C'est avec qui? Avec une amie, bah, une copine, un oui, copain? Avec une amie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, je lui ai dit que je l'aimais et puis bah en fait, elle m'a rembarré mais sévèrement en fait. Elle t'a mis un râteau. Elle t'a rembarré sévèrement et d'un seul coup, tu t'es senti humilié, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bon, c'est normal, tu sais, c'est normal de vivre ça. Avec une voilà avec, avec j'ai eu peur, façon hein. Ta façon à toi avec ta façon à toi de le vivre, je pense que ta maman peut le comprendre. Bon, ça arrive, c'est vrai que quand on est plus grand on se dit oh c'est pas très grave. Moi je conçois très bien que ce soit grave pour toi et que tu aies besoin d'en parler. Moi ouais, si avec le nombre de râteaux que j'ai eu dans ma vie, ouais. Je serais jamais rentré chez alors Kylian, est-ce que tu acceptes maintenant que maman vienne te chercher? Je pense que je peux rentrer moi-même, je ne dois pas être très loin. Tu ne dois pas être très loin. Mais ce serait bien que maman vienne te chercher quand même. Tu veux bien? Non, mais je vais rentrer là, je ne suis pas loin. Tu comprends, Kylian, ta maman, elle est prête à t'écouter. Hein N'est-ce pas? Oui. Mais je savais bien qu'il avait passé une mauvaise journée. J'ai bien vu que ça allait pas ce soir. Après, j'essaie de parler avec lui, mais il veut rien me dire. Ça y est, il a commencé à évoquer. Faut bien l'écouter, le laisser dire, ne pas dire que c'est rien. C'est pas rien pour lui. Voilà. Ouais. Julie, on va quand même vous repasser votre fiston Kylian en antenne. Il va rentrer. Kylian, ça va aller, hein, mon pote, hein, d'accord? D'accord. Ok, on te reparle. Salut mon Kylian, et on te repasse ta maman en antenne. D'accord. Ciao. Merci. Voilà, on est quelques jours plus tard, c'est dimanche, et Kylian est avec nous, à la maison, bien au chaud. Il a 13 ans, il est debout, toujours là, Kylian? Ouais, toujours là. Tu viens de réécouter, là? Ça te fait quoi, comme ça, de te réentendre? Bah, ça fait bizarre. Ouais. Bon, et alors, ça va mieux? Bah ouais, depuis ça va mieux. T'as parlé avec ta maman? Bah ouais, on a parlé un peu. Du coup, après, le soir après, on s'est posé et puis on a discuté tranquillement, quoi. Après. Super. D'accord. Et maintenant, l'histoire avec cette fille, c'était bien ça, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, tu as un peu compris, tu acceptes, tu le vis mieux ou tu te sens toujours un peu... je le vis mieux maintenant, parce que sur le coup, c'est vrai que ça m'a fait un peu mal, du coup, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, quoi. On appelle ça un râteau, en fait, tu vois, moi je suis habitué, hein, donc c'est un truc auquel on s'habitue un petit peu avec le temps, quoi. Oui, il a ouvert avec son râteau, avec ses râteaux, il a ouvert une jardinerie complète. Ah, absolument. Il peut ratisser toute la ville de Paris. Je fais un beau chiffre d'affaires. Hein. Ça, c'est clair et net. Non, mais c'est vrai, Kylian, faut pas se mettre dans des états comme ça. Mais je sais ce que c'est quand on est très amoureux de quelqu'un, on peut partir en couille et oui, c'est vrai qu'on est triste, comprends. Quoi. Oui, il faut surtout pas ni se moquer de lui ni banaliser. Ah bah pas du tout. Hein, ouais. J'ai de dire. Non, mais je parle pas pour toi. Je parle pour les gens qui écoutent et qui. Qui voit des situations équivalentes. Ouais, non, mais bien sûr. Surtout pas banaliser un amour d'adolescent, de jeune, qui peut prendre des grandes dimensions comme ça, et voilà. Elle a pas été au courant que t'es passé à l'antenne? Non. L'histoire, elle s'est pas su, là, dans ton bahut, tout ça? Non, j'espère pas, du moins. D'accord, en tout cas, on en a pas parlé. T'es retourné à l'école, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé après. Mais écoute, on est ravis de savoir que tout va bien. Ouais. Cette occasion, tu vois, tu peux te confier à ta mère. Quand on a des difficultés, quand quelque chose ne va pas bien dans la vie, les parents sont parfois très à l'écoute. Il ne faut pas hésiter à leur parler, leur dire voilà ce qui m'est arrivé. N'hésite pas à nous rappeler si tu as besoin, Kylian, d'accord? Ouais. D'accord. Salut, Kylian. Salut, bon courage. Salut. Ciao à toi. C'était une histoire de dingue, hein, sans déconner. On était un peu sous le choc et après, c'est vrai que de savoir que voilà, il est retourné chez sa mère, c'est quand même super cool. Et surtout, sa mère l'a écouté. Ouais, exactement. Cindy est avec nous. Elle a 26 ans, elle est de Toulon. Elle est là, Cindy? Salut tout le monde, salut cette équipe. Ah, sans déconner, ça va Cindy? Oui, et vous? Est-ce que t'as fait du shopping ce week-end? C'est obligé, hein. Ah, voilà. On y est. Bah alors, bon. Mais il n'y a pas de mal. Putain, mais... Ah bah oui, hein. Même si j'étais un peu dans le rouge, non. Parce que j'ai pas eu encore ma paye, mais bon, et qu'est-ce que t'as acheté? T'as acheté quoi? Ah, j'ai acheté pour surtout pour les gosses, hein, entre mon filleul et tout. Voilà. Et est-ce que tu forces ton mec à venir au shopping avec toi? Et il a un peu de mal quand même, hein, mais il a fait l'effort samedi quand même. D'accord, ok. Mais ça, c'est un mec qui t'aime beaucoup. Hein. On les voit, les mecs dans la rue qui font le shopping. Il faut une. Oui, mais bon, après, il regarde l'heure, il a dit allez, il faut partir. Hein. Ouais, bah non, mais parce que vous avez un problème avec les habits. Enfin, je veux dire, vous restez une heure dans un magasin. Mais il faut bien choisir le produit. Il faut bien choisir le bon pour nous. Bien sûr, Cindy. La passion du shopping, c'est dans un instant, mais on parlera aussi d'autre chose. Hein. De quoi tu veux parler, toi, Cindy? Alors, j'ai un petit problème, c'est que j'ai du mal à faire l'amour sans prendre la douche avant. Ok, d'accord. Et c'est marrant, ça. Petite douche obligatoire avant de faire l'amour. Ouais. Petite question, est-ce que vous avez des manies avant ou après avoir fait l'amour? Venez nous raconter si vous avez des petites manies. 01 42 48 5000. On va écouter Sia là maintenant sur Fun Radio. C'est l'un des sons que je kiffe le plus en ce moment. Voici The Greatest sur Fun Radio Love in Fun. the mother falling, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you. I don't give up, no, won't give up, no, don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Un talon de dingue, Sia sur Fun Radio The Greatest. 20h, 22h. 0,1,42,48,5. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Dimanche soir en direct sur Fun Radio. Dimanche soir, c'est généralement la soirée où il y en a plein qui dépriment. C'est fini, c'est fini, on est là. Pas de problème. Maintenant, place à la bonne humeur et place à Karine qui est avec nous. Super menteuse est là. Bonsoir, super menteuse. Bonsoir, Karine, 23 ans de Nice. Bonsoir. Salut. Salut, salut Karine. Alors Karine, je t'appelle super menteuse, pourquoi? Parce que tu vas nous expliquer d'ailleurs. Parce que j'ai besoin de mentir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même à tes amis? Oui. D'accord, par exemple? Par exemple déjà, j'ai pas 23 ans mais j'en ai 27. Ah, donc t'as menti déjà, putain. Ouais. On déconne. Et bientôt elle va nous dire, je suis Katoche, je suis la copine de Doc. Non, non, ça je reconnais pas la voix. Puis, alors, Catherine ne mange jamais. Ah oui, d'accord, bien sûr, elle a toutes les qualités. Oui. Ah mais, non mais, je confirme. Je n'en doute pas un seul instant. Karine, tu as ce besoin de mentir tout le temps. Oui. Tu mens à tes amis. Mais quel type de mensonge? Parce qu'il y a des petits mensonges et des gros mensonges quand même. Il y a des gros mensonges. Ouais. Alors, les gros mensonges, ça correspond à ce que tu fais, ta personnalité, ou est-ce que tu mens pour finalement pour tricher? Voilà. Pour les deux. J'ai besoin de, dès que je rencontre quelqu'un, de raconter. Autre chose que ma vie réelle, pour me sentir mieux que la personne que j'ai en face de moi. Tu dis que tu fais des concerts avec Rihanna et tout? Ouais, voilà. Il faut vendre du rêve. Bon, et Karine, tu sais, quand on s'invente un personnage, on oublie qu'on a un personnage et que peut-être il serait bon de jouer la bonne partition, c'est-à-dire cultiver son propre personnage, se connaître, apprendre à se connaître et rester là où on est. Ça n'exclut pas le fait de s'améliorer dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et que là, tu te mens à toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, dans le mensonge, c'est pas aux autres que tu mens. Tu commences par te mentir. C'est quoi le plus gros mensonge que t'aies fait, Karine? J'ai dit à un mec que j'étais enceinte. Ah ouais, quand même. Pourquoi tu l'as fait? Pour l'alpaguer? Ouais, pourquoi? Pour pas qu'il parte. Voilà, oui, pour l'alpaguer. D'accord. Et il est parti quand même? Bah oui. Bah... Oui, bon, ça, c'est pas une bonne technique. On retient pas. Pourquoi on ment, Doc? Pourquoi est-ce que... Elle l'a dit, Karine, très bien. Ouais. Parce qu'effectivement, elle est pas bien dans sa vie, elle a pas confiance en elle, elle aimerait être quelqu'un d'autre, elle rêve d'être quelqu'un d'autre, donc elle s'invente un personnage parce qu'elle pense qu'en se décrivant comme elle voudrait être alors qu'elle n'est pas, les autres vont l'aimer plus. Mais c'est par rapport. C'est totalement faux. Ouais. On ment par rapport aux autres, hein, toujours. Oui, mais c'est une erreur. Parce que quand les gens se rendent compte que tu mentes, finalement, ils n'ont plus confiance en toi, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément de l'estime pour toi, c'est ça. Car les autres ont de l'estime pour toi si tu dis qui tu es, ce que tu es. Même avec tes petits défauts, même avec tes gros défauts. C'est ça que tu dois comprendre. Ouais, c'est ça. Et puis, au fur et à qu'est-ce que tu fais dans la vie à 27 ans? Alors, là, je travaille... Ne mens pas. Alors, la vraie vérité ou la fausse vérité? Non, mais on veut la vraie. Nous tout ce qu'on veut, ça ne nous intéresse pas. Vas-y. Je suis préparatrice en pharmacie. D'accord. C'est un très beau métier. Voilà. Bah merci. Quoi d'autre dans la vie? Oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Rien. Enfin, Qu'est-ce que tu voudrais être? Et ne mens pas, hein. J'aurais bien aimé être médecin. Ah, oui. Moi je te laisse avec Doc. Mais c'est une. Oui, bon, ça va pas être possible pour l'instant. Ensuite, Doc, mais tu peux la prendre en stage. Non, non, mais attends, c'est vrai qu'il y a des ponts possibles à partir d'un certain temps d'expérience, mais c'est pas facile. Bon, admettons que ce soit pas possible. Quoi d'autre? C'est tout. Non, mais est-ce que tu rêves d'être une star, une grande chanteuse, une actrice de cinéma, ouais, être reconnue, adulée? Ah oui, bah oui, forcément. Voilà. C'est là que le péché. C'est là que ça va pas. Non, mais ça, c'est normal, Doc. Moi aussi, j'aimerais bien être Justin Timberlake. Mais tu le seras jamais. Bah, je le sais bien. Je le sais bien. Je le sais bien, Doc. C'est pas sympa ce que tu veux me dire. Mais tu vois, je vais te dire, Karine, c'est bien de rêver d'avoir un modèle comme ça. Il faut qu'on puisse au moins atteindre une partie de ce modèle. Moi, j'aurais pu être Justin. Bah oui. Merci. À quelques lettres près. Tu comprends, Karine? Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'on va t'aimer. Alison, notre auditrice du soir, est-ce que tu as une fâcheuse tendance à mentir, toi aussi, ou pas? Ça dépend pourquoi, mais ça m'est souvent arrivé, ouais. Mais c'est vrai, Doc, on ment tous. Après, peut-être que Karine le fait un petit peu plus que les autres, mais on a toujours tendance à vouloir pas s'inventer une vie, mais rendre l'ordinaire un petit peu moins ordinaire, quoi, tu vois. Tu gonfles un c'est peu les choses, quoi. Toujours par rapport aux autres, parce que tu penses que si tu n'es pas à Marseille, sorti avec une meuf, sorti avec 10 meufs, quoi, tu vois. Bien sûr que les gens vont t'apprécier plus. C'est une erreur totale. Je moi, j'ai une Karine grosse bite. Et aux autres. Ouais, voilà. C'est qu'elle est petite. Tu vois, Kassim, j'ai une grosse bite. C'est quelque chose qu'il nous dit régulièrement. Karine, c'est un mensonge, je l'ai vu. Elle est toute petite, elle est ridicule. Karine, essaie de c'est réfléchir vrai, à ce que tu es, ce que tu veux dans la vie. Et crois-moi qu'à se retrouver face à soi-même, à s'accepter comme on est, on a beaucoup plus de bonheur. Karine? Certainement, oui. Karine, on t'a menti. Tu n'étais pas en direct sur Fun Radio, mais sur Radio Bonheur. Et nous te remercions pour le bonheur que tu nous as apporté. Et en revanche, ce que tu peux faire, c'est des activités sportives ou même des activités théâtrales ou autres en amateur. Ça, je t'incite à le faire parce qu'effectivement, tu vas pouvoir t'exprimer et finalement exister un peu comme tu rêvais. D'accord. Voilà, on vous dit la vérité, ce n'est pas Doc mais Douk et je m'appelle Georges. Voilà, Alice s'appelle Mirabelle et nous sommes en direct de Radio Bonheur. On se dit tout ce soir. Karine, je te fais un gros bisou. En tout cas, tu reviens quand tu veux, ma chérie. Gros bisous. Salut Karine. C'est faux, on ne t'embrasse pas vraiment. On t'a menti. Salut Karine. Si, salut. On te le fait vraiment. Cindy est avec nous, 26 ans de Toulon. Bonsoir Cindy. Salut Cindy. Oui, bonsoir. Ça va Cindy? Non, moi c'est Cerise. Ah, c'est Cerise. D'accord. Eh ben, il n'y a pas de problème. Cerise, sois la bienvenue sur Fun Radio. Et t'as 26 ans, c'est bon? Oui, c'est bon. T'appelles pourquoi, Cerise? Alors, c'est parce que j'ai un petit problème. J'ai tendance à prendre une douche avant chaque rapport sexuel. Parce qu'on n'est pas très propre? Ben, c'est que non, vous non. Moi, mon compagnon, je lui fais ce qu'il veut, mais en fait, c'est lui. J'ai du mal à qu'il descende parce que j'ai peur de sentir mauvais et du coup, les préliminaires. On va t'en parler. Ouais, et puis il y a des petites manies comme ça qu'on a tendance à faire avant ou après l'amour. Parfois même, notre partenaire nous déteste pour ça. Venez nous raconter. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. En attendant, on va écouter Major Lazer là maintenant avec Showtech. Qu'est-ce qu'il est bon ce son, si vous le connaissez pas, c'est vraiment à mettre à fond. Voici Believer sur Fun Radio Loving Fun. Hold me that you're me in your river. Thinking I would drown my mind, a good swimmer. Oh, oh, when the river didn't draw me, that you're me in the fire. But the fire just cool. I could never be. Cause I'm a believer. I'm a believer. Major Lazer et Chotek sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Et je vous annonce que dès demain, vous allez gagner votre FIFA 17 en participant au défi Fallait pas demander. Le nouveau FIFA 17, alors c'est sur la console que vous voulez. Hein. Nous, on a le bras long, on peut avoir tous les supports. Hein. Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4. Bon, je sais que notre producteur se décompose, hein, Kassim. C'est que sur PS4. Non, tu ne prends pas que sur PS4. Ah bah, non, mais en fait, c'est moi qui les achète, donc. Oui, et bah, tu attends que tous les auditeurs aient choisi, et après, on l'achètera. C'est comme ça que t'as fait, t'es un bon producteur. Ah bah non, je les ai déjà achetés là. Donc sur le format que vous voulez, sur la console de votre choix, Super Nintendo, vous pourrez gagner le FIFA 17. Si vous voulez d'ailleurs d'ores et déjà vous inscrire, vous pouvez le faire au standard 01 42 48 5000. On va accueillir Cindy, 26 ans de Toulon, dans la Vine Fun. Cindy, bonsoir ma chérie. Bonsoir. Alors Cindy, raconte-nous pourquoi tu nous appelles ce soir, t'as une petite question en fait. Hein. Oui, c'est que je sais pas si je suis la seule ou pas, mais avant mes rapports, j'aime bien prendre une petite douche, sinon je me sens pas très bien. D'accord. Non, mais moi je comprends ça. C'est vrai qu'on est quand même plus propre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Oui. Parce que j'ai peur de sentir d'en bas, donc du coup, c'est une assurance, mais bon, après, pendant les rapports, j'ai un peu de mal qui viennent me faire incliner, par exemple. D'accord. Oui, si tu n'aimes pas ça, je vois pas où est le problème. Non, mais elle a peur de sentir mauvais de là-dedans, quoi. Je suis désolé, je vais rentrer dans les détails. En fait, ça me bloque, en fait. Oui, je vais te dire. Nous sommes des mammifères, nous avons tous une odeur plus ou moins importante en fonction de notre fréquence de lavage corporel. Ah, ceux qui se lavent peu sentent de plus en plus mauvais, oui. Parce que ils sécrètent de la transpiration et bien sûr des microbes qui sont là, qui prolifèrent. Et pas forcément des méchants microbes, des bons microbes qui génèrent une odeur. Donc, il faudrait se laver combien de fois par jour, Doc, pour être propre? Une fois, a priori. Et donc, effectivement, le sexe aussi, il y a des sécrétions, beaucoup de sécrétions, il y a les urines qui passent par là, donc forcément, il y a des dépôts et des odeurs qui sont... Le fromage. Alors, ça, c'est normal, c'est complètement normal. Il faut accepter que nous soyons des mammifères. Et sache que, dans le passé, les odeurs chez l'être humain étaient très importantes, y compris dans la sexualité, ce qui n'est plus le cas maintenant, plus trop. Mais ce qui reste, par exemple, le cas chez beaucoup de mammifères, c'est même essentiel dans leur vie sexuelle. Les odeurs sont essentielles. Alors, je crois que quand on aime vraiment quelqu'un, c'est pas quelque chose qui pose un problème. Oh non, c'est je peux pas le laisser dire ça. Oui, mais bon, quand même. Je dis ce que je pense parce que je crois que c'est sûr. Les odeurs sont beaucoup mieux acceptées corporelles. Ça, je suis d'accord. Mais des fois, ça pue. Enfin, je veux dire. Oui, mais. Alice, tu tombes sur un sexe qui n'a pas été lavé. Prenons celui de Kassim. Oh non, mais bien sûr, déjà là. Même lavé, elle en veut pas. Sérieusement, je veux dire, les filles, si vous tombez sur une top qui pue, vous n'allez pas la sucer, quoi. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses. Non, mais. Mais c'est vrai. Probablement, c'est vrai qu'il y a un minimum de respect à avoir à ce niveau-là, mais en même temps, sachez qu'il y a quand même deux sortes d'odeurs, les odeurs naturelles normales, les odeurs qui sont beaucoup plus aiguës si effectivement il n'y a pas de lavage, parce que c'est une réalité. Mais je dis ce que je pense, je répète ce que je dis, quand on aime vraiment l'autre, les odeurs passent beaucoup mieux. Alice, t'es déjà tombée sur un sexe malodorant ? Ça m'est arrivé, ouais. Une fois. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, tu remets gentiment le caleçon et puis tu lui dis on se fait un petit DVD. Non, mais c'est hyper gênant, quoi. C'est-à-dire que non, mais des fois tu prévois pas le coup, quoi. Tu vois, c'est c'est sûr. Tu fais un petit coup de toilette, quoi. Pour être mezzo, vous lavez tous les jours une fois, moyen. 50-50. Vous lavez tous les jours, vous aurez des odeurs, mais qui ne sont pas insupportables. Voilà. Alors, si en revanche, il y a une infection cutanée, bien évidemment, ces microbes vont générer, ou muqueuses, des odeurs bien plus fortes et parfois désagréables. Beaucoup de réactions, et on va parler dans un instant, tu vas rester avec nous, Cindy, des petites manies qu'on peut avoir, comme ça, avant de faire l'amour, après avoir fait l'amour. Venez nous raconter. Dans un instant, on sera avec Jimmy. Jimmy, t'es là ? Je suis là. Jimmy, salut. 18 ans de Châteauroux, qui a une petite manie avant de faire l'amour, tu nous diras tout. Alexandre, t'es là? Oui. Alexandre, salut. Reste avec nous en Bretagne, on a des petites manies aussi, ça c'est vrai. Chloé, t'es là? Oui, je suis là. Chloé, tu vas réagir aussi dans un instant et on sera avec Alex, 21 ans de Paris. Bonsoir Alex. Salut. Bonsoir. Toi Alex, on va parler d'un petit problème, c'est ça que t'as... Ouais, j'ai 21 ans et je commence à avoir pas mal de cheveux blancs. Mais ah oui, arrivé, oui, à 21 ans, putain, c'est quand même super jeune, quoi. J'ai commencé à cet âge-là, moi aussi. C'est Doc, est né avec les cheveux blancs. Oui. Non, à 21 ans, ça a commencé, toi aussi, Doc. Oui, oui, ah bah oui. Voilà, tu vas nous expliquer pourquoi on peut avoir des cheveux blancs comme ça. Et un petit traitement, quand même, hein, des petites teintures, des trucs comme ça, je pense. Bon, teinture, c'est un regard. Non, mais j'en sais rien, moi. C'est ce que font tous les animateurs télé. Hein. Nikos, tu crois qu'il a une chevelure comme ça, comment hein. Il fait de la teinture, bien sûr. Oui, ouais, ils font tous de la teinture. Bravo, t'as balancé. Je balance, j'en ai rien à foutre. 01 42 48 5000, on va revenir avec Sib et Breeze sur Fun Radio. Et on va se faire plaisir dimanche soir à la Cool en direct, là, tous les soirs, 20h-22h. Merci d'être avec nous tous les soirs. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Salut, c'est Bruno. Fun Radio, le son Dance Floor présente la compile Bruno dans la radio. La sélection de la famille avec Richard Orlinski et Eva Simons. En exclut le nouveau Martin Garrix, Maître Gims, Ken Jones, le nouveau de Chainsmokers. 60 tubes sur 3 CD, ils sont tous dans la compile de la famille avec Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. Your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a roll. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your Karel et Alice. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et lâchez-vous là toute la soirée sur Fun Radio. 01 42 48 5000. On va parler des petites manies là qu'on peut avoir avant ou après l'amour. On lira vos messages aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous faites avant ou après l'amour. On va continuer d'en parler là. Cindy qui est avec nous, qui elle se lave à chaque fois. Elle a besoin de se laver avant l'amour. Et Jimmy qui nous rejoint, 18 ans de Châteauroux. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Salut à toi Jimmy. Alors, t'as une petite manie avant ou après toi? Après moi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'ai souvent des petits creux, donc je mange. Tu manges? Ah putain. Ouais. Moi je suis un tour au frigo aussi. Hein. Ça veut dire que tu te relèves tout de suite après? Ouais, quasiment. Quel mufle. Mais pourquoi donc? Bah, je sais pas, la tendresse est très importante. Alors, je suis pas d'accord. Alors, t'as des filles qui aiment pas ça non plus. T'as des filles qui veulent pas qu'on les colle. Surtout quand elles aiment pas le mec, oui. Non mais c'est vrai, enfin je veux dire, chacun réagit différemment. Mais non, mais comme quand t'aimes quelqu'un, c'est sûr que t'as besoin de tendresse après, c'est une évidence. Bah ouais, non mais ça c'est sûr, mais bon, peut-être pas non plus pendant une heure quoi. Au bout d'un moment, t'as envie d'aller pisser quoi. Enfin je veux dire, non mais c'est vrai. Attends, et moi une fois, j'ai eu une nana qui m'a dit « Bon, excuse-moi mais je vais faire caca. » Eh ben ça, franchement, ça c'est choquant. T'étais très amoureux, j'imagine. Ah bah ouais, bah, j'étais moins amoureux avant, surtout qu'elle faisait caca à la porte ouverte. T'entendais le plouf et tout, des trucs horribles quoi. Donc Jimmy, toi, tu te fais un petit casse-dalle tranquille. Ouais, je mange. D'accord, tu mets ketchup mayo, tu mets... Non, plutôt des gâteaux. D'accord, des petits gâteaux. Alexandre, t'es là ou pas? Ouais. Salut Alexandre. Salut. Bah pourquoi tu réagis? T'es toujours puceau, toi, Alexandre. N'importe quoi. T'as déjà fait l'amour, toi, Alexandre. Bah oui. Ah, de nombreuses fois, est-ce que t'as une petite manie avant ou après? Moi, c'est plutôt après. Ah, qu'est-ce que tu fais? Câlin et après douche. Voilà. Une bonne douche. Mais jamais de douche avant. Enfin, moi, je suis bien sale. Économie d'eau. Mais alors, je vais revenir sur un truc. Tu dis qu'il faut faire des câlins et tout après une fois qu'on a fait l'amour. Sauf que Doc, je suis désolé, mais au bout d'un moment, les filles, elles se lèvent, elles vont aux toilettes, quoi, tu vois. Ah oui, mais câlins 5-10 minutes. Mais tu parles de ton expérience personnelle. Mais non, mais les filles, elles se lèvent. Enfin, je veux dire, elles vont pas garder le truc en elles. Non, mais c'est vrai. Ah, bon, ah bah oui, mais après, c'est toi qui vois. Non, non, mais attends, c'est bon, tu peux. Alice, t'aimes bien garder le sperme de ton partenaire en toi? Non, pas spécialement. Je tousse un bon coup et. Ah bah. Je non, tousse. Mais la nature fait pour qu'il soit conservé à l'intérieur, tout de même. C'est comme la logique des choses. C'est pas, bah, pas contre un phénomène extrêmement naturel que certains considèrent qu'il fallait se laver après. Pourquoi pas? Oui, probablement, il faut se laver tous les jours, on est d'accord. Mais voilà, on se lave pas en tout cas à l'intérieur du vagin. Non, mais bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de filles qui expulsent le truc, quoi. Non, et pas vrai. Toujours juste après, malheureusement. Ah non, parfois tu gardes un petit peu. Bah ouais, mais c'est la surprise, tu ne sais pas. Ah bon, attends, c'est quoi ce truc que je connais pas? C'est-à-dire que c'est la surprise? Bah, c'est. Moi, ça m'est déjà arrivé, et je pense que c'est arrivé à pas mal d'autres meufs, des copines y compris. Bah, ça m'est déjà arrivé de faire l'amour, ouais. D'aller aux toilettes juste après, et puis genre. Une heure après, t'es genre en repas de famille ou des conneries comme ça, et t'es en train de parler avec des gens, puis d'un coup une petite toux, et là tu fais « Oh merde !» En fait, il y en avait encore un peu. Oh putain la vache! Bah, des fois, t'as des surprises, tu sais, on se vide pas comme un verre, hein, pour je la retourne, il y a tout qui sort. Ah bah oui! Bah non, c'est, non, voilà, sûr. C'est comme ça. La localisation naturelle du sperme, c'est quand même le vagin, je suis désolé de vous le dire. Putain, on apprend des trucs quand même. Et ouais. Chloé est avec nous. Bonsoir Chloé! Oui, bonsoir. Salut. L'équipe. Salut Chloé. Salut. T'as déjà connu cette expérience comme la décrit Alice là, c'est-à-dire Non. Pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais toi après l'amour? Ben en fait, moi je fume une cigarette. Et là tu lui dis alors c'était bien. Ah, c'était bon bébé. T'as kiffé. J'étais à la hauteur de tes espoirs. Et on en parle des phrases souvent qui sont dites après l'amour. Non c'est vrai. Souvent ça arrive. Fumer après l'amour. Ah ouais, bien sûr Doc. Une actrice à qui on avait demandé est-ce que vous fumez après l'amour? Elle avait sorti un truc à propos d'une pipe? Non, en elle disant... Avait dit... j'ai jamais regardé. Ah, putain. Elle est pas mal, celle-là. C'est qui, cette actrice? Je me souviens plus. Bon, on l'embrasse, en tout cas. Qu'est-ce que tu fais, toi, avant ou après l'amour, Alice? Moi, déjà, c'est clair qu'il faut que je sois propre. C'est la base, aussi. Et après l'amour, je sais pas pourquoi, j'ai envie de bouffer du chocolat. Donc, en général, j'ai cette petite tendance, je mange... Qu'on a peur, c'est du chocolat. Non, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai envie de chocolat. C'est pour ça que t'achètes beaucoup de chocolat. Exactement, je fais beaucoup l'amour. Alison, notre auditrice du soir, qu'est-ce que tu fais, toi, avant ou après l'amour? C'est pas tellement important, je pense un peu sur Doc, peut-être, non? Quoi? On se penche peut-être sur ce qu'il fait Doc, non? J'ai pas compris Alison. Elle veut savoir ce que fait Doc. Ah, tu veux savoir ce que fait Doc après l'amour? Mais bien sûr, j'allais lui poser la question. Tendresse. Tendresse. Ah oui, obligatoire. Bah, attends. Et à longtemps. Et longtemps, tu fais ça? Oui. Oh, elle doit être saoulée, tu dois la coller. Ben oui, mais elle aime. Cassim, le producteur, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je la replie. Il la dégonfle. C'est très bonne vanne. Ah, et là, oui. Tu comprends mieux son activité sexuelle. Bien sûr. Des poupées gonflables. Ah, oui, non, mais bien sûr. Il y a des réactions aussi sur les réseaux sociaux, Alice. Alors, il y a Eline qui dit: moi, après l'amour, je fais pipi, je fais des câlins à mon chéri. Pour Sarah, c'est aussi la cigarette. Pour Ludo, c'est un bain de bouche à la menthe, mais c'est juste après et pas juste avant. On ne sait pas pourquoi. Et pour Lo, dès que j'ai fini de faire l'amour, je remets ma copine dans la cave. Ah, non, mais non. Guillaume, au standard, je t'ai pas posé la question. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, c'est plutôt après, directement salle de bain, pipi et petit lavage de sexe. Petit lavage de sexe, ok, un classique. Cindy au standard. En plus, on connaît son mec, donc on imagine. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est même combat, c'est la douche directe après. La douche directe, et Godefroy, l'aria, qu'est-ce que tu fais? Il rentre chez lui. Moi, je dors. Il y a personne qui répondrait comme moi. Moi, je remets ça pour lui donner plus de plaisir. Oh, ouais, c'est ça. Mytho. On parlait du mensonge tout à l'heure. Voilà, un beau mensonge. Eh bien, voilà, c'est la soirée spéciale. Et je remercie tout le monde. Cindy, Jimmy, Alexandre, Chloé, vous restez bien avec nous. Vous pouvez continuer de réagir, bien sûr, à tous les sujets. On peut continuer de lire vos messages à tout moment pendant l'émission. Et dans un instant, on va se faire le meilleur défi Fallait pas demander de la semaine. Autant vous dire qu'on va se marrer là avec Jordan, 14 ans de Sedan, qui nous a fait mourir de rire en appelant son tonton. Il lui a demandé: tonton, est-ce que tu peux venir me chercher au commissariat parce que j'ai fait une grosse connerie? Vous allez savoir quelle grosse connerie. J'ai fait le commissaire qui n'était pas content. Vous allez tout entendre. En attendant, montez le son. Voici Sib, c'est Riff sur Fun Radio et c'est Love in Fun. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. Listen out. C'est Breeze sur Fun Radio. 20h, 22h. 0 à 42 48 5000. Avec Doc, Karel et Alice. Love and Fun. sur Fun Radio. C'est Love in Fun, c'est tous les soirs sur Fun Radio. On est très content de passer la soirée avec vous. C'est une émission familiale. Il y a Ryan qui est avec nous au standard l'année dernière, qui est avec nous là ce soir. Ça va, Ryan ? C'est ça. Je prends la place de Guillaume. Voilà. Bah écoute, c'était pas trop tôt, hein, parce que putain. Je crois qu'il est parti aux toilettes. Oh là là, le Guillaume, sans déconner. Non, Guillaume est très bien, hein, Ryan. Ouais, mais il est aux toilettes. Il est parti chier. Là. Ouais, je vais pas balancer, mais il est en train de faire caca. Mais non, on dit pas tout. On dit pas tout. Il faut laisser un petit peu de rêve, les amis. Sans déconner. Bon, Guillaume est parti faire la grosse commission, mais restez bien avec nous puisque du coup Ryan décroche le standard. Là, si vous voulez parler à Ryan, notre ancien standardiste l'année dernière, eh ben n'hésitez pas avec Cindy, bien sûr. 01 42 48 5000. On fait de la libre antenne tous les soirs avec vous et dans l'émission, on a un défi. C'est le défi Fallait pas demander. On se marre avec ça tous les soirs grâce à vous. Vous êtes vraiment fantastiques. Et là, on va écouter le meilleur de la semaine. J'annonce aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on vous offrira là toute la semaine le nouveau FIFA. Forcément, Fun Radio, la radio des jeux vidéo, ça pouvait tomber qu'ici. Donc, vous gagnerez FIFA 17 dès demain sur Fun Radio. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire 01 42 48 5000. On va donc réécouter le défi Fallait pas demander de Jordan, 14 ans de Sedan, qui a appelé son tonton et qui lui a dit: tonton, est-ce que tu peux venir me chercher au commissariat parce que j'ai fait une grosse, grosse connerie, écoutez. Allô ? Ouais, allô, tonton, c'est Jordan. Est-ce que je peux venir au commissariat, s'il te plaît ? J'ai fait une grosse connerie, là. T'en fais encore ? Non, mais s'il te plaît, viens vite au commissariat, là. J'ai pas le temps de t'expliquer. Oh, c'est chier, qu'est-ce que t'as fait, Guy ? Non, mais en fait... Je vais tout expliquer, je me suis fait choper en train de vendre de la drogue et là je suis en salle d'interrogatoire. C'est moi ou quoi ? Non, non, je te jure, tonton. Ah non, tu te démerdes, alors je viens pas te chercher moi. Tu vois, c'est vrai non, que. Non, mais sérieux, tonton, attends, il n'y a pas de quoi. Non, arrête, non, non. Arrête de gueuler, déjà, c'est toi qui m'as fourni la drogue. Quoi ? Si, si, tu m'as fourni la drogue. Et en plus, tellement que j'ai stressé, j'ai dit à l'officier que c'était toi qui me l'avais fourni. Ça te dérange pas ? Qu'est-ce que t'as raconté comme connerie ? Attends que j'arrive, tu vas voir la tarnole que tu vas prendre. C'est le fournisseur que vous avez au téléphone ? Oui, oui, c'est mon fournisseur. D'accord, ok. Bon, vous allez me le passer, hein, je vais voir ça. Eh, hey, qu'est-ce que tu me racontes, là, jusqu'au okay. bout, là ? Mais tonton, il y a l'officier qui veut te parler, je te le passe. Non, mais attends, c'est une blague, là. Non, je te jure, je te le passe. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes monsieur Jackie ? Oui. C'est ça, très bien. Et je suis enchanté de faire votre connaissance, monsieur Jackie. Oui. Je comprends pas, j'ai pas très bien compris. Bah, je vais vous expliquer, je suis content de vous avoir au téléphone. Attendez, ne quittez pas juste une petite seconde. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Je reprends la communication. Oui, vous m'entendez ? Oui. Voilà, vous êtes passé dans mon bureau. Alors, je vous explique, nous avons interpellé Jordan, donc qui est votre neveu, c'est ça, hein ? Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas compliqué. On a interpellé Jordan, voilà, avec un sac à dos rempli de différentes substances illicites, hein, concernant la marijuana. Il y avait un petit peu de cannabis. Il y avait 2-3 pilules d'ecstasy. Donc, je connais pas trop ses fréquentations. Et là, 2-3 pilules d'ecstasy. Oui. Le petit Jordan, qui était donc paniqué, nous a expliqué que vous étiez le parrain. Ah mais c'est n'importe quoi, c'est possible. Qu'est-ce qui m'a fait ce truc, quoi ? Je vais vous repasser votre neveu. Allez-y, passez-moi le vide. Vous ne raccrochez pas. Tonton, d'abord, dis-leur que t'as caché la drogue et les billets dans ton matelas, s'il te plaît. Dis-leur, parce que moi, monsieur... Mais qu'est-ce que tu me racontes, t'as rien fait trop jouer à la PlayStation, hein ? Mais du shit, je vais t'en donner, moi, tu vas le bouffer, tu vas le gerber, tu vas voir c'est quoi du shit. Non mais monsieur l'agent, moi je vous jure, je suis que le livreur, hein. J'ai rien fait, c'était lui qui m'a donné toute la drogue, il m'a dit, si tu me rapportes pas l'argent ce soir... Arrête de raconter des conneries, parce que arrête tes conneries, conneries. C'est bien, mais tu as raison Jordan de nous dire la vérité. C'est... Oh. Il m'a dit, arrêtez de croire, vous êtes con ou quoi là-bas au commissariat, c'est trop con. C'est bien mon petit, t'inquiète pas, on va s'occuper de ton Jackie, le dealer de drogue. Mais c'est avec des gros cons, quoi. C'est des cons, quoi. C'est excusez-moi, comme excusez-moi, j'ai tout entendu. Vous traitez donc le brigadier de con, c'est ça ? Je vais... Non, non. Il a dit gros con, hein. Il a dit gros con. Attendez, je vais noter... C'est quel commissariat ? Moi, j'ai des relations au commissariat, je peux les appeler, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Moi, je vais appeler le commissariat. J'ai déjà entendu ça. Non, non, mais donnez-moi votre nom et prénom. Et moi, je vais appeler, moi. Brigadier Carlo. Comment ? Il a dit enculé. Il a dit enculé, hein. Enculé. Et vous êtes au commissariat lequel ? À Sedan, Charleville ? Lequel ? Sedan. Sedan, d'accord, ok. Ben, je vais appeler, moi, je vais raccrocher, je vais appeler le commissariat et je vais voir à ce moment-là, moi. Eh ben, avant d'appeler. C'est quoi ces conneries ? Avant d'appeler, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chez vous directement. Il a dit conneries aussi. Et il m'a dit que si je rapportais pas plus de 100 euros ce soir, eh ben, il allait me tuer, il allait me faire toutes les misères du monde. Ah oui, mais en plus, il a été violent. Tu fermes ta gueule, toi. Et tu fermes bien ta gueule. Je suis policier, toi, tu fermes ta gueule. Jordan. Non, Jordan, tu me dis que ton tonton a été violent avec toi, il t'a déjà violenté? Oui, il m'a déjà violenté, mais il m'a déjà mis plein de gifles, plein de... Oui, je t'ai abusé aussi, par entier. Oui, je t'ai abusé, si tu veux. D'accord. Oui, mais rajoutez ça aussi, dealer. Abus, maltraitance, et puis quoi d'autre encore? La prochaine fois, c'est quoi? Bon, alors, j'ai mis au dossier, hein. Dealer. Non, mais vous, c'est quoi votre prénom? C'est quoi votre nom? Je sais pas, moi, c'est quoi vous? Alors, moi, je m'appelle Karel. Et je suis. Karel? Oui, je suis également animateur tous les soirs sur Fun Radio. Ah dans, ah, le, dans, le, dans la vie. Ah, tonton! Allez! Alors, tonton! Alors, tonton! Un vrai petit con, c'est lui. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Ah, il a été bon Jordan. Grave. Hein? Ah ouais, il a été très bon. Ah oui, on a presque cru que tu l'avais tapé, tonton Jackie. Ah oui. Mais là, j'étais chauffé mes poings déjà. Jackie, heureusement qu'on a arrêté là, sinon je pense que Jordan t'en aurait pris plein la gueule. Hein? Ah non, mais. Je vais t'expliquer, Jackie, et je te tutoie parce qu'on a vécu un moment sympathique avec toi. Hein. Jackie, t'es en direct sur Fun Radio dans toute la France. Ça s'appelle Le Défi Fallait Pas Demander. Il devait poser une question. Et la question, c'est est-ce que tu peux venir me chercher au commissariat pour t'énerver? Ça a bien marché. Et grâce à toi, Jordan, eh bien, justement, il repart avec son jeu vidéo sur PlayStation 4, le jeu No Man's Sky. Bravo! Merci, tonton! Bravo, ouais, tonton! Merci. De rien. Bon, merci beaucoup Jackie, c'était trop fort. Il n'y a pas de soucis. Il repart avec le sourire, c'est ça qui fait plaisir. On va t'envoyer un petit cadeau aussi, Jackie, d'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Eh ben, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer un petit pack Love and Fun. Et Jordan, bravo, t'as tout déchiré, mon pote. Hein. Ouais, merci, Karel. Tu reviens quand tu veux, salut à toi. Je passe une dédicace à... Ouais, bien sûr, on t'écoute, vas-y. Je passe une dédicace à tout le collège de Lac et en particulier à ma copine Alexia. Eh ben gros bisous à elle. Salut. Salut. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Et demain, on remet ça bien sûr sur Fun Radio, le défi Fallait pas demander tous les soirs avec toute la semaine là, le jeu FIFA 17 à gagner. 01 42 48 5000. Dans un instant, le chiffre d'Alice, de quoi on va parler ce soir, Alice? On va parler du fait que dans certains couples, l'un des deux est plus amoureux que l'autre. C'est la théorie du dominant-dominé. Oui, si on veut. Ah, tu nous expliqueras, Doc? Oui, bien sûr. Ah, ça c'est vrai, hein. Moi je pense que c'est une vraie vérité pour le coup. Il y a un dominé, il y a un dominant. Pas dans tous les couples, je pense. Ouais, il peut y avoir moitié-moitié aussi. Ouais, voilà, pas dans tous les couples, mais certains, c'est vrai que c'est évident qu'il y en a un des deux. On va en parler. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert, mes amis. Restez bien avec nous. En attendant, je vous l'avais promis, c'est la nouvelle bombe de Calvin Harris, My Way sur Fun Radio. My way to say, at least I did it my way. La way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. I did it my way, my way to face, but in my heart I understand, I made my move, and it was all about you, now I feel so far removed, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. Calvin Harris sur Fun Radio, My Way. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Radio. Et avec Alison, notre auditrice du soir qui passe la soirée avec nous. Toujours là, Alison ? Oui, oui, toujours là. On va parler des cheveux blancs avec Alex. Là, maintenant, il a 21 ans, il est de Paris. Bonsoir, Alex. Salut, Karel, salut toute l'équipe. Salut, salut à toi, Alex. Raconte-nous, là, pourquoi t'appelles-toi ? Ben, ça fait un peu moins d'un an que j'ai remarqué que je commençais à avoir des cheveux blancs. Et d'accord. Ça avance à une vitesse qui commence à me faire peur. Ah, d'accord. C'est comme ça dans ta famille ? Pas aussitôt. Oui, mais on a les cheveux blancs dans ta famille. Oui. D'accord. Ça, c'est important. C'est génétique, c'est en fait. C'est génétique, oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les cheveux sont colorés, ce qui n'est pas le cas des blancs, d'ailleurs, parce que tout simplement, comme pour la peau, le follicule pileux sécrète un pigment qu'on appelle la mélanine. C'est ce qui vous colore, c'est ce que les gens de race noire ont en grande quantité et les gens de race noire en moins grande quantité. Voilà, donc, et il y a un moment donné où ça dysfonctionne et ça ne sécrète plus. Voilà. Les mélanocytes, c'est ceux qui sécrètent la mélanine, ne fonctionnent plus. Donc à 20 ans, on peut avoir les cheveux tout blancs. On peut avoir, ça peut augmenter par le stress ou un traumatisme quelconque qui peut aggraver les choses, mais globalement, oui, ça, y a rien à faire. Mais alors, en quoi ça t'embête, Alex ? C'est juste esthétique, en fait, le truc. Oui, voilà, c'est esthétique. Ouais, et après, Alison, toi, tu tombes sur un mec, tu le trouves beau gosse, mais il a des cheveux blancs, c'est pas un problème, quand même. Bon, ça peut être sexy, les cheveux blancs. Ah, tu vois, poivre et sel comme George Clooney. Hein, voilà, c'est ça, comme George Clooney. Non, mais c'est vrai, on a tous ce modèle-là. Là. Doc, moi, je trouve que ça te va bien, les cheveux blancs. Oui, mais ça fait longtemps que j'ai... Non, mais c'est vrai, je t'ai vu à la télé ce week-end, t'avais déjà les cheveux tout blancs. Hein. Oui, il y a longtemps, oui. T'en déconnes, et t'en as beaucoup perdu quand même aussi, j'ai remarqué. Non, ça va, beaucoup moins que toi. T'as presque beaucoup plus de, toi, t'as presque beaucoup de cheveux, moins là. Que toi, j'en ai plus que toi. Non. Ah, non, si. Non. Mais tu sais quoi, on va compter les cheveux. Oh, on a autre chose à foutre. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est clair, tu t'imagines l'émission qui part en couille. Nous allons compter nos cheveux. Ah, mais je sais encore que c'est moi qui vais me taper le travail, c'est bon, quoi. La canicie, cheveux blancs, c'est cela. Eh bien, il n'y a rien à faire. Mais mis à part la teinture, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne solution parce que ça accélère, ça abîme les cheveux. C'est plus courant chez les mecs que chez les filles. Les filles aussi, mais les filles ont plus tendance à le masquer que les garçons. Oh, les moi, teintures. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Mais vous faites une crise. Ah, mais moi, j'en ai eu un, mais je l'ai. Franchement, j'arrivais pas à l'arracher. Je l'ai tué. Mais non, mais j'arrivais pas à l'arracher. Mais je pense que je me suis arraché une mèche entière de cheveux pour réussir à l'avoir. Non, mais sérieux. Mais un blanc, mais tout petit comme ça. Ouais, ça va, c'est normal qu'on ait les cheveux blancs. On vieillit aussi en même temps. Bah, tranquille, hein, Alex. Ça s'accélère en vieillissant, ça c'est clair. Alex, dis-toi que tu vas maintenant ressembler à George Clooney. Et c'est pas plus mal. On a un pote ici à la radio, Jérôme, qu'on embrasse, qui a les cheveux blancs aussi, poivre et sel depuis des années et des années. Ça l'a jamais empêché de pécho. Hein. Ah bah non, c'est même le mec qui pécho le plus origine de cette radio. Origine génétique certaine, pour répondre à ta question. Il y a maintenant des gens par le stress et la fatigue qui font des teintures exprès pour avoir les cheveux gris ou blancs. C'est vraiment une putain de tendance et c'est vraiment à la mode. Hein. Et sinon, c'est vrai qu'il y a toujours des solutions. Tu vois, il y a plein d'animateurs taillés qui se font des petites teintures et tout. T'as même des noms, poudres. Des noms. Des poudres. Bah, tous. Bah, je veux dire, à passer la cinquantaine, tout le monde a des cheveux blancs. Donc tous, quoi. Tous. Tu veux des noms ? Oui. Arthur. Ah oui ? Ouais. Mais j'ai pas peur d'avoir des problèmes. Ouais. Nikos. T'as la preuve ? Nikos. Stéphane Bern. T'en veux d'autres ? Oui. T'en veux d'autres ? Non, parce que j'ai aucune preuve. Je dis peut-être des conneries. Je vous embrasse en tout cas. Nagui. Okay. Nagui, c'est louche. Il est d'accord. Quand même vieux maintenant. Hein. Attention. Mais... Alex, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Ok, merci. Toi et tes cheveux blancs, vous serez toujours les bienvenus ici. Salut mon Alex, dans un instant le chiffre d'Alice. Chiffre qui va parler des couples, hein, c'est ça ouais, c'est quoi exactement? Bah, en fait, du fait que dans certains couples, il y en a un des deux qui est un peu plus amoureux, voire beaucoup plus que l'autre. Oui. Dites-nous ce que vous en pensez, 01 42 48 5000, à tout de suite. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Je suis exceptionnel. Anso, attention, on va jouer. Top, c'est parti. Qu'est-ce qu'on offre cette semaine dans le Night Show ? Des PS4 et des jeux Lego Dimension. Question numéro 2, qu'est-ce que Lego Dimension ? 14 aventures inspirées des plus grands films. Exemple, Jurassic World, Ghostbusters, Batman, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Retour vers le futur et plein d'autres. Eh ben, dis donc, t'es forte, hein. J'ai gagné un truc ? Non. C'est assez embarrassant. Tous les soirs, 22h minuit, here we go ! Marion et Anso, le Night Show. Sur Fun Radio. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous.

Ouais, des gens qui aiment beaucoup avoir quelqu'un quasiment à leurs pieds, hein, ou même en état de souffrance parce que ça se passe pas très bien, ça existe. Dites-nous justement ce que vous en pensez, l'équilibre comme ça, comme disait Doc, si vous êtes plus amoureux que votre partenaire, inversement. Audrey est avec nous, 19 ans d'Avignon. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonsoir Audrey. Salut. Est-ce que tu penses que dans les couples, l'un des deux est forcément plus amoureux que l'autre ? Pas systématiquement, mais oui, c'est possible, oui. D'accord, tu l'as vécu toi ? Ouais, une fois, ouais. Qui était plus amoureux que l'autre, oui, c'est c'était, ça. C'était elle qui était amoureuse. C'était qui ? C'était toi ? Elle était amoureuse. Moi, j'étais plus amoureuse que lui, ouais, effectivement. T'as souffert. Ah ouais, j'en ai bavé, ouais. Et tu l'as connard. Tu l'as quitté, finalement ? Ben ouais, parce qu'au bout d'un an et demi, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, bon, j'en ai marre. J'en ai marre de tout comment, temps pleurer. Raconte tout, comment il se comportait. Ouais, pourquoi il... Alors, ben déjà, il parlait super mal, déjà. Il aimait trop, quand on se disputait, par exemple, c'était lui qui était en tort, il aimait trop que ça soit moi qui revienne. Alors qu'en fait, c'était lui qui devait revenir. Problème, c'est que moi, je suis une fille, comment dire, je suis une fille à vif, en fait, et du coup, ben, c'est vrai que j'aime pas rester en froid avec quelqu'un, donc du coup, je suis obligée, à chaque fois, j'y retournais, en fait. Mm-hmm. Parce que je l'aimais quand même plus que lui, il m'aimait. Ouais. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que ouais, il profitait au max de la situation. Dans ce que tu dis, il y a un comportement de dominateur qui consiste à gérer le manque de l'autre. C'est-à-dire qu'on va continuer à alimenter le manque en étant plus absent, ouais, en étant pas et pour que l'autre s'accroche encore plus. Ouais, mais pourquoi c'est le mec extrêmement reste... malsain. Pourquoi le mec il reste s'il est pas parce que parfois très amoureux. Maso. Ah non, mais moi, enfin je veux dire moi. Enfin, limite, on aurait dit qu'il prenait plaisir à ça, quoi. Parce qu'il y a des fois où, franchement, je pleurais devant lui, il rigolait, il était mort de rire, le mec. Tu l'as quitté ? Ouais, au bout d'un an et demi, ouais. Comment il a réagi ? Ben, en fait, le mec, en fait, c'est un mec super fier, donc du coup, ben, c'est vrai qu'au début, il m'a rien dit, puis après, il m'a envoyé un message. Parce que moi, en fait, le truc que j'ai fait, c'est que on s'était disputé, j'étais parti bosser. Ouais. Et je cogitais, et j'ai une copine qui m'a, enfin une ex-copine qui m'a dit de le quitter parce que c'était plus possible. Et du coup, ben, j'ai tout bloqué, son numéro, son Facebook, je l'ai même pas prévenu, rien. Ouais. On s'était pris la tête juste avant et je lui avais dit que c'était plus possible. Donc voilà, après il a compris et quelques heures après, il m'envoie un message, il me dit ouais, t'aurais pu me dire au revoir quand même. En mode, enfin il était pas content quoi. Ouais, et puis il essaie de te récupérer comme ça aussi, j'en suis sûr. Ouais, il est revenu quelques fois, en fait il est revenu parce quelques fois. Parce que le mec fois, il comprend pas que tu quittes. Non mais attends, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que le mec acceptera de revenir à condition que tu te soumettes à nouveau. Ouais. C'est-à-dire que si tu ne joues plus le jeu... Eh bien, ça ne va pas l'intéresser. Il faut quand même bien comprendre que dans ces relations très malsaines, qui viennent de gens assez pervers, faut quand même bien le dire, eh bien, effectivement, il faut refuser d'être victime. Audrey, vas-y Audrey, termine. Non, je voulais juste dire que ouais, il y avait des fois où il me poussait vraiment à bout et vraiment, genre, dans lui, j'étais vraiment mal, quoi. Et il me regardait, il me disait, bah, c'est bon, allez, je te pardonne. Mais vraiment, au bout d'un certain stade où vraiment, j'étais allé au bout, quoi. Qu'est-ce qu'on vraiment, s'emmerde, hein, qu'est-ce qu'on s'emmerde des fois, hein, franchement. Non, mais c'est vrai, hein, on est amoureux de quelqu'un qui ouais, veut pas nous et qui nous apporte aucun bonheur, en fait. C'est ça, hein. Ah, Alison, ouais, notre auditrice du soir, 19 ans de Laval. Ma chérie, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'amour comme ça dans un couple? Est-ce que tu penses qu'il y en a toujours un des deux qui est plus amoureux que l'autre? Oh, bah, moi, oui, j'en ai eu la preuve encore pas longtemps. Vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, j'étais avec mon copain. Ouais. Sauf qu'on est resté un mois ensemble et il m'a largué après en me disant que monsieur n'était pas prêt à se remettre avec quelqu'un, etc. Donc du coup, bah, moi j'étais complètement folle dingue, hein. Moi j'étais amoureuse, ouais, comme il n'y a pas. Et bah, je me suis rendu compte que du coup, lui il avait encore son ex dans la tête. Donc du coup, bah, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ça encore, c'est ça. Pas le pire parce que bon, voilà, c'est des erreurs de départ, de relation. Un mois, c'est pas énorme. Voilà, c'est encore différent ça. C'est quand ça dure que ça pose problème. C'est ouais, pas énorme, mais c'est toujours ça. Oui, mais ça fait mal. Ah ouais, non, mais bien sûr. C'est je suis ça tout fait à fait mal, d'accord avec toi. Ça fait très mal. Oui. Alison, si tu veux pleurer, tu peux pleurer en direct. Ça, en plus, non, paraît... c'est bon, j'ai éliminé mon quota de larmes. Ah bah, je suis désolé, ma chérie. Ça va aller ? Tu veux un mec ? Non. Dis pas non au bonheur, Alison. Bah, le mec, c'est pas le bonheur, le mec. Voilà, j'ai envie de te poser la question qu'a posé Christophe Maé tout l'été. Il est où le bonheur, il est où, hein? Ça va. Eh ben putain, il est pas chez Christophe Maé, je peux te le dire. Johan, t'as pas pu regarder, hein? Ah bah non, mais sans déconner. Cette chanson, c'est insupportable, hein. Elle te reste en tête. C'est ça, hein. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Ta gueule! Putain, tu nous fais chier! Johan est avec vous. Vous n'avez pas répondu, tonton. Salut Johan. Non. Hein, dans ton cul, oui. Elle est dans ton cul. Dire ça, dans ton cul, bonheur. Johan, 26 ans de Laval. Tu l'as aimé la chanson de Christophe Maé cet été? Il est où le bonheur? Il est où? Ouais, ça va. Eh ben voilà, on a un fan de Christophe Maé, ça fait plaisir, ils sont nombreux. Johan, est-ce que toi tu penses qu'il y a dans un couple, il y en a un qui aime plus que l'autre? Bah, je pense qu'en général, ça pourra faire un bon couple, pas forcément, mais ouais, il y en a peut-être un qui va aimer plus que l'autre, je pense. Après, comme disait la personne qui intervenait avant, ça dépend aussi du passé en fait des personnes, du coup, des relations qu'ils ont eues avant. Oui, bon, bref. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais voilà, nous, on parlait de relations assez malsaines, en fait. Est-ce que toi, Johan, t'as été déçu? Non, parce que là, par exemple, aujourd'hui, je suis en couple avec une personne. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu plus amoureux qu'elle. Parce que, bah, du coup, elle a eu des relations un peu plus compliquées avant. Donc, du coup, ce qui fait que c'est peut-être aussi un automatisme de défense de sa part, en fait, de pas. Enfin, voilà. Parle bien. Est-ce que du coup tu t'accroches plus à elle? Parce qu'il y a un peu ça. Quand on sent que l'autre n'est pas trop amoureux, on va en rajouter des tartines. Et c'est pas bon en plus. Pour essayer de l'accrocher encore un peu plus. Est-ce que t'es pas dans cette dimension-là? Non, je pense pas. Enfin, non, bah, écoute, moi je sais que je tiens énormément à elle. Mais le fait qu'elle soit moins amoureuse, tu t'accroches pas plus? Non, parce qu'après, enfin voilà, on discute beaucoup, donc du coup. Ok, c'est bien. Ah, merci. Bien en parler, en tout cas. Merci pour ton témoignage, Johan, c'est très agréable. Laura est avec nous aussi, 28 ans du Mans. Bonsoir, Laura. Salut, Laura. Salut tout le monde. Salut, Laura. T'es amoureuse en ce moment? Oui. Et tu penses qu'il t'aime plus que toi, tu l'aimes? Non, je pense qu'on s'aime pareil. Ah, c'est bien ça. L'équilibre. On a réussi à trouver notre juste milieu. C'est bien. D'accord. Et comment vous avez fait? C'est quoi votre secret? Eh ben, écoute. Franchement, on s'entend sur beaucoup de choses, on parle énormément, on se dit ce qu'on ressent, on se dit de quoi on a envie, besoin, et je pense que ça joue vraiment beaucoup, en fait. D'accord. Oui. Eh ben, on va s'arrêter sur cette leçon d'espoir. Et cette... Non, c'est vrai, toi Alice, tu partages la même opinion que Laurent? Ouais, en fait, je pense que ça dépend vraiment des relations, ça dépend aussi s'il y a la fierté qui rentre en compte, parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi de questions d'ego, questions de fierté, qui fait qu'il y a ce rapport un peu de dominant-dominé, quoi. Oui, il faut aussi être bien avec soi-même. Et je pense que... C'est surtout qu'on n'a pas la même manière de montrer qu'on est amoureux, je pense, tout simplement. Il y a des gens qui disent « Ouais, je pense qu'il m'aime plus que je l'aime ». Non, c'est juste qu'il est plus jaloux. C'est vrai qu'il y en a qui sont moins démonstratifs. Ça ne veut pas dire ça. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on attend de l'autre et finalement de la confiance qu'on a en soi. Et si on est bien dans sa peau, si on est bien dans ses baskets, dans son boulot, dans ses études ou ailleurs, ça va déjà beaucoup mieux parce qu'on ne va pas trop attendre de l'autre. Voilà. Bah, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont réagi aux chiffres, Audrey, Johan et Laura, vous raccrochez pas. Dans un instant, la question de l'internat. Je rappelle que tous les soirs, entre 20h et 22h, on est en direct d'un internat. Et si vous voulez poser votre petite question, là, tout l'internat, n'hésitez pas, avec tous les potes, vous arrivez sur l'antenne et vous pouvez dire ce que vous voulez. 01 42 48 5000. On sera aussi avec Thomas, 22 ans de Sedan. Salut Thomas! Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir l'équipe. Bonsoir à toi Thomas, tu nous appelles pourquoi? Ben moi je vous appelle parce que ma mère n'a pas accepté mon homosexualité et je voulais savoir pourquoi. D'accord, bah tu vas tout nous expliquer. Peut-être qu'on lui demande, oui. Ouais, ouais, tu vas nous raconter comment ça s'est passé, on pourra peut-être même l'appeler. 01 42 48 5000 en attendant, c'est Arizona et Robin Schulz. I was wrong sur Fun Radio. Oh, I can see the doubt in those eyes. Even though you try to hide it, there's not much to figure out. Cause I know why. And I won't try to fight it, try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. It used to be so warm. Those days I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. Couldn't pull myself together, And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right. Don't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. Arizona et Robin Schulz sur Fun Radio. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Plein de messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag Love in Fun. La page Facebook de l'émission, c'est Love in Fun, bien sûr. Et pour nous retrouver sur le Snapchat avec les stories tous les jours à maté, tous les jours, une nouvelle story. Love in Fun Radio. Alice, des petits messages. Un message de Rémi sur le hashtag Love in Fun. Vous écoutez, vous voir en live, écoutez du bon son. Waouh, ça met de bonne humeur, wow. Love in Fun. Et un autre message de Léo. Pourquoi c'est toujours moi qui ai les yeux rouges sur les photos avec mes potes? Ah ouais, putain, bah, Doc, il sort en bosse, hein. Il est pas photographe. Non, mais je pense qu'il y a des applications pour parler des yeux rouges. Ah, bravo, c'est les yeux clairs en général, non? Bien sûr. Ou les bourrés. Les appareils photo. Ah oui, c'est vrai que le. Ou celui qui s'est, pris un gros joint c'est juste ça, avant. Les yeux bien vitreux. Généralement, voilà, mais là c'est normal. Ah tiens, d'ailleurs, cause, Doc, pourquoi est-ce qu'on a les yeux rouges quand on tire sur un joint? Enfin, moi, parce j'ai jamais que fait, ça, mais ça bien crée sûr. Une dilatation vasculaire. C'est les ondits. Oui, il paraît que. C'est normal, oui, bien sûr, ça peut. Et alors, j'avais entendu parler d'un truc, hein, on se dit tout ce soir. Hein, il paraît que t'en as même qui. Parce que si tu te fais contrôler par les filles qui voient ta gueule, enfin, c'est bon, ils savent que t'as. Ouais, ils vont avec ta joue salive, ça suffit. Hein. Non, ouais, ça, ils peuvent le faire, mais. Les gouttes. Il paraît qu'il y a des gouttes, ouais. Pour enlever les. Il y avait des gouttes comme rouges. Ça, mais c'est interdit en France. Maintenant, je crois qu'on peut les trouver au Luxembourg ou un truc comme ça. Et c'est des gouttes, mais apparemment, c'est assez hallucinant. Hein. Tu les mets dans l'œil et pouf, t'as l'œil qui devient plus blanc que blanc, quoi. C'est même pas naturel. Mais par contre, tu deviens aveugle, après. Ouais, Si tu te fais contrôler par la police et qu'ils ont envie de mettre un petit bâtonnet intérieur de la joue et ils voient si tu as du cannabis. Les tests salivaires, mais moi j'ai jamais eu de test salivaire. Ils font toujours des tests d'alcoolémie, mais jamais ça m'est arrivé d'avoir. C'était une tête d'enfant sage. Ah, ça va être pour ça, bien sûr. On va accueillir Thomas. Thomas, 22 ans de Sedan. Bonsoir Thomas. Salut Thomas. Bienvenue dans Love in Fun. Je suis content que tu penses à nous parce que justement on est une émission qui est faite pour vous aider. Et Thomas, tu nous appelais par rapport à ta maman. Explique-nous tout. Bah écoutez, ça va faire maintenant un an passé que j'ai avoué mon homosexualité à mes parents. Ouais. Et malheureusement, ça s'est très mal passé. On va dire, pas avoué, révélé. Parce que t'as pas fait de faute. Oui, révélé. D'accord. Et ça s'est pas mieux passé dès le départ, quand tu l'as annoncé. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Quel moment t'avais choisi? Qu'est-ce que t'as dit? Bah c'était un soir, tranquillement. Mon père était en train de boire son café, ma mère tranquillement dans le canapé, tout le monde discutait entre eux, et là je suis arrivé et j'ai déposé une lettre expliquant que dedans j'aimais un garçon, que j'étais comme j'étais, que elle c'était la plus belle des femmes que je pouvais avoir au monde. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, écoute, lis la lettre, moi je vais faire un tour, j'ai dit au pire appelle-moi et on en parle après. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle m'a fait non, tu restes ici, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, t'es malade ou t'as un souci d'argent. Elle commence à lire et arrivée tout en bas de la lettre, j'ai avoué que j'aimais un garçon. Ouais. Et là, changement de tête total. Merde. C'est-à-dire, elle s'attendait pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est venue contre moi, elle m'a pris au niveau du t-shirt, elle m'a dit mais pas toi, t'as gâché ta vie là, tu gâches tout dans ta vie, t'auras été le pire des enfants. Quelle horreur. Et donc du coup, moi, les larmes qui sont montées, je me contrôlais vraiment bien parce que je me suis dit, j'ai quand même fait l'exploit d'écrire une lettre et de pouvoir exprimer ce que j'avais à dire. Donc j'étais vraiment un grand pâté et mon père a seulement dit bah, toi Thomas qui es tout le temps entouré de filles, bah, t'as pas le choix, qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Ils comprennent pas l'homosexualité. Ah c'est dur. Bon, est-ce qu'il y a des gens homosexuels dans ta famille? Oui, ma tante. Ma tante, comment elle a été. Comment elle est acceptée? Bah, très bien. Elle est très bien acceptée, mais oui, on m'a l'accepté. Ça c'était surtout, quand? Oui. Surtout que ma mère a beaucoup d'amis gays, lesbiennes. Okay. C'est ça. C'était quand cette révélation, cette réaction? Il y a un an. Depuis, tu vois ta mère régulièrement? Bah, vu que j'habite dans le même secteur qu'eux, ce qui se passe, c'est que dans les magasins ou même dans les manifestations qui rassemblent du monde, je vais être amené à la voir, à la croiser. Et quand je la croise, je suis paralysé. Est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle t'embrasse? Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Non, c'est elle me dévisage. Elle t'ignore. Elle m'ignore. C'est vraiment. Et ton père aussi? Mon père suit le mouvement. Je sens une grosse influence de ma mère sur mon père. D'accord. On peut l'appeler? Il faut. Non. Pourquoi? J'ai fait vraiment le deuil de mes parents. Que tu fasses le deuil de tes parents, oui, pourquoi pas. Je peux tout à fait l'admettre. Leur réaction est effectivement... Moi, je vais te dire une chose très claire. Quand on a des enfants et qu'on les aime, on ne les aime pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient, mais pour ce qu'ils sont. Ça, c'est une règle de base élémentaire. Même si son enfant fait des crimes, on continue à l'aimer. Alors, l'homosexualité, bien évidemment, ne pas aimer son enfant parce qu'il est homosexuel, c'est effectivement monstrueux. En fait, Donc, il faut quand même qu'on lui dise. Mais ça, je suis d'accord. Après, tout le monde a essayé de la raisonner. Thomas, moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que t'attends de nous là ce soir en fait? Parce que ce que je voudrais que vous m'apportiez, c'est vraiment qu'est-ce qui pousse vraiment une personne à réagir de cette façon-là envers sa chair, son sang, quoi, qui fait qu'on a tous grandi ensemble, qu'on était vraiment une famille soudée, et qui fait que je vais te poser la question autrement. Comment elle était avant ta révélation? Comment elle était avec toi? On était vraiment très fusionnels. On avait le même caractère. Oui, c'est ça. Qui fait que forcément on était. Alors, dès qu'on allait partir en conflit, il y avait plus personne parce que c'était vraiment deux caractères qui s'affrontaient. Et je pense qu'elle s'est mise des œillères parce que forcément un an après avoir quitté le domicile familial, on essaye de se raisonner sur ce qui se passe. Et des petits points qui font que quand on les rassemble, on se dit forcément mince. C'est vrai qu'en fait, elle s'est cachée la vérité. Thomas, je vais te dire une chose. Tu me dis, j'étais très fusionnel avec ma mère, ce qui effectivement pose un problème majeur. Quand on est fusionnel, il y en a un des deux qui n'existe pas. Ouais. Et qui ne peut pas exister en tant que personne. Et que ta maman révèle une chose qui est extrêmement troublante pour elle, mais que finalement, elle n'acceptait pas ton existence, que tu sois même hétéro ou homo, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose où elle t'étouffait dans quelque chose. Tu lui as apporté quelque chose, probablement. Mais hélas, pas comme on pourrait le souhaiter, c'est-à-dire comme s'il lui manquait un bras, comme si t'étais le bras de remplacement. Tu comprends? Quelque chose de cet ordre-là. Donc, moi, je crois que la rupture est probablement la meilleure des choses. Moi, ce que je te conseille, c'est de laisser passer un peu de temps et peut-être de lui réécrire en lui disant que, effectivement, la réalité, c'est que tu l'aimes. Bon, et que tu es comme cela, que tu ne changeras pas, c'est ta nature, et que tu aimerais pouvoir reparler avec elle, en tout cas, et qu'elle puisse... Si elle ne manifeste rien, c'est qu'elle s'aime beaucoup trop pour t'aimer, toi. On a eu différents exemples, hein, Thomas, et des personnes voilà, comme toi qui sont venues nous dire que ça passait pas avec les parents, et c'est vrai qu'avec du temps... Et ben, là, c'est avec sa mère, donc c'est... C'est une relation, c'est sûr, mais après, assez complexe. Moi, ce qui me dit que c'est vraiment fini, c'est vraiment sa petite fierté, les coups qu'elle m'a fait, quoi. C'est vraiment en fait parce que vu que je suis pas parti directement après l'avoir dit, je suis resté encore 3 semaines chez moi après. Elle avait mis des deals à mon père, style c'est soit lui, soit moi, tu choisis. Elle me rabaissait plus bactère, elle me demandait de quitter la maison dès qu'il y avait des personnes qui venaient à la maison. Thomas, tu viens de découvrir qui était ta maman, quelqu'un qui s'aime beaucoup trop, je répète ce que je viens de dire, pour t'aimer toi. Ouais. Et que donc, elle est complètement polluée par quelque chose qui l'habite, qu'elle ne peut pas maîtriser. Donc, hélas, il est vrai Voilà, tu peux pas la changer. C'est à elle de changer. Peut-être qu'elle changera un jour en vieillissant. Rapproche-toi de tes tantes, peut-être. Ouais, ce serait pas mal. Peut-être t'aider mieux. Carrément. Tu nous as dit, en plus, c'était homosexuel, une de tes tantes. Et Thomas, moi, je t'invite, voilà, si jamais tu changes d'avis, à nous rappeler. Et Doc parlera librement, comme il le fait tous les soirs sur Fun Radio, avec ta maman. Et il dira ce qu'il pense. Il essaiera de trouver une solution avec elle. Et ça pourrait vraiment t'aider. Donc, c'est à toi de réfléchir. D'accord, Thomas? Ok, y a pas de souci. Merci beaucoup, bon Thomas. Courage. Merci à vous, bonne soirée. Salut, salut à toi. Et Mathias est avec nous, 18 ans de Tours. Salut Mathias. Salut toute l'équipe. Bonsoir Mathias, salut. Tu nous appelles pourquoi? En fait, j'aime baiser des grosses. C'est d'une finesse, c'est d'une délicatesse. Baiser des grosses, t'as mais. Et Mathias? Ouais. T'es un connard, hein? Un peu. Non, un gros connard. Non, mais j'aime baiser des grosses. Donc, des femmes avec des formes et des rondeurs. C'est ça, hein? Voilà. D'accord, ok. Des grosses, quoi. Si vous voulez venir insulter Mathias, n'hésitez pas les filles, 01 42 48 5000. Mathias nous expliquera pourquoi il aime ça. Et David Guetta, Would I Lie To You, découvert sur Fun Radio, c'est dans 3 minutes. À tout de suite tout le monde, c'est Love in Fun jusqu'à 22h. Suivez-nous sur Snapchat, en tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris, and this is my song. At least I did it my way. The Weeknd et Daft Punk. WNW. Zach Noël et Sean Paul. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde. Sur funradio.fr. Oh, Angel said, from a... 01 42 48 5000. Love, Love in Fun. 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Jusqu'à 22h et tous les soirs en direct sur Fun Radio. 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone pour nous appeler. On va retrouver notre auditrice du soir, Alison. On a bien besoin d'elle. Là. Maintenant, Alison, t'as 19 ans, t'es à Laval, t'es avec nous depuis 20h. Et je sais pas si t'as entendu Mathias il y a quelques minutes. Tu as entendu qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je suis en train de m'en rappeler du coup, parce que j'ai vu autre chose entre temps. Il est avec nous, Mathias. Il a 18 ans, il est de Tours. Bonsoir, Mathias. Bonsoir, toute l'équipe. Tu nous appelles pourquoi, Mathias? Bah, parce qu'en fait, j'aime faire l'amour à des femmes rondes. D'un seul coup, il a changé de discours parce qu'il s'est bien rallumé. Tout à l'heure, il nous a dit j'aime faire l'amour avec les grosses. Non, j'aime baiser, c'est ce que j'ai dit. J'aime baiser, oui. Je suis sûr qu'il est puceau. Non, pas du tout, hein. Mathias? Oui. Ouais, c'est vrai, ça. Ça fait bien marrer Alison. À t'écouter, on dirait que tu es encore vierge. Non, pas du tout. C'est vrai? Dans ces fantasmes. Non, pas du tout. Dans ces fantasmes, les filles rondes doivent jouer un rôle important. Non, mais après, pour parler sérieusement, on peut avoir une attirance pour les filles qui sont un petit peu plus rondes que la normale. Pulpeuse. C'est une attirance, c'est ça, ouais. Ou ça t'excite? Ça m'excite. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'excite pulsion, en fait? Genre, par exemple, quand tu vas sur des sites de cul, tu cherches à la rubrique Big Boobs, Big Ass. Ouais, voilà quoi. D'accord, c'est ok. C'est la préférence des grosses en fait. Tout est plus imposant. Toi, Alison, tu es comment toi physiquement? Moi physiquement, je suis petite. J'ai quelques formes selon moi mal placées et en trop grosse quantité. Selon d'autres garçons, je suis très bien faite, même si c'est pas mon cas. Mais là, sur ces propos, franchement, je crois que je suis pas d'accord. Le fait de dire grosse, on n'est pas forcément bien dans notre corps, donc ça nous complexe encore plus. Ouais. Et le fait de dire baiser, mais non. Enfin, je suis pas d'accord. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux, Mathias? Oui, ça m'est arrivé. Et donc, tu parles des filles dont tu es amoureux de la même façon? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que tu parles des filles dont tu es amoureux de la même façon? Est-ce que genre, tu lui dis, vas-y, Jacqueline, viens ici, j'ai envie de te baiser? Non, les filles dont je suis amoureux, c'est complètement différent. Ah, il faut simplement que tu apprennes à respecter toutes les femmes. D'accord. D'une façon générale, et de parler d'elles correctement. Est-ce que tu aimerais qu'on parle de toi de cette façon? Franchement, oui. Je m'en fous. Oui, enfin bon, bref. Parce que, c'est juste de la façon dont il dit, en fait, qui est pas cool, parce qu'il y a plein de mecs qui aiment faire l'amour avec des nanas qui sont plutôt rondes, hein. Mais on peut tomber amoureux, on peut aimer, enfin, là, c'est pas la même chose. C'est après, ça. Une attirance sexuelle, voilà. Quand t'as 18 ans, c'est vrai que tu peux enchaîner un peu les coups, quoi, tu vois. T'as eu combien de filles dans ta vie, justement? Je suis sorti avec 2-3 filles, mais après, des plans cul, j'en ai eu plusieurs, quoi. Ouais, c'est ça. Des femmes rondes. Des femmes rondes? Non, mais attends, tu dis ce que tu veux, Mathias, mais dis-toi juste que par rapport aux filles, si tu commences à leur parler comme ça, tu vas pas baiser longtemps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alice, t'en penses quoi, toi? Moi, je suis assez choquée de sa façon de parler. Je trouve que ça fait très, en fait, objet. C'est même pas, en fait, la femme qui l'attire. C'est l'objet de fantasme, la grosse. Enfin, je trouve ça un peu. Mais même s'il dit les femmes rondes, je trouve la façon dont il est attiré par ça, ça fait vraiment, genre, un objet, quoi. Donc, ça me déplaît. Tu seras pas moins viril si tu parles des filles avec délicatesse et douceur. Tu n'es pas plus viril parce que tu parles comme ça. Tu comprends ça, Mathias? Eh oh! Allô? Tu as entendu ce que je t'ai dit? Il n'a pas envie de t'écouter. Oui, j'ai entendu. Bon, t'es d'accord ou pas? Sélectif. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc parle aussi avec respect, douceur, tu verras. Les filles apprécieront encore plus. D'accord. Petit conseil de la soirée pour toi, mon Mathias. Tu reviens quand tu veux. Ok. Salut Mathias. Salut. Ciao, Alison, tu restes avec nous, notre auditrice de la soirée avec qui on passe une très bonne soirée. Vous bougez pas, c'est Love in Fun tous les soirs, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. J'avais promis David Guetta, on va l'écouter là maintenant. David Guetta, Would I Lie to You, et vous débarquez là tous à l'antenne, hein, tous les soirs jusqu'à 22h au standard 01 42 48 5000. On lira vos messages dans un instant sur le Twitter, le Facebook de l'émission, et puis on fera un petit tour aussi sur le Snapchat de l'émission. N'hésitez pas à aller mater la story là sur le Snapchat Love in Fun Radio pour nous ajouter. Voici David Guetta sur Fun. Mmh. David Guetta sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. In Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. On vous cache rien, on vous dit tout. On est en train de parler déjà du week-end prochain. Ce qu'on va faire. Vous savez que tous les ans, on organise le grand concours des stickers Love in Fun. Et notre grand gagnant, là, va passer une journée avec nous. Comme, c'est Rémi. Voilà. C'est Rémi et on va faire du paintball la semaine prochaine. Ouais, ça va être énorme. Et ça va être énorme parce que Doc il vient avec Katoche et tout. Et je fais équipe avec elle et là je vais vous battre tous. Ah, Doc, je vais t'allumer. Mais laisse tomber. Alors, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que protéger Katoche, donc c'est pour ça que tu vas. Ah putain. Hein, oh, je vais l'enchaîner. Elle va avoir des bleus de partout, tu la reconnaîtras pas. Non, jamais les femmes. Non, c'est toi qui prendras. Et moi, je veux être dans l'équipe de Cindy qui est caporal. Caporal dans la vraie vie. Vous êtes tous être dans son équipe. Non mais Cindy, c'est pas une connerie. Hein, t'as été dans l'armée, toi, t'es réserviste. Ah oui, hein. J'y suis toujours, je suis réserviste dans l'armée de l'air, je suis caporal. T'es caporal dans l'armée de l'air, pardon. Tu maîtrises le FAMAS, la K-47. FAMAS, PA, grenade, tout ça, ouais. Oh sans déconner. Mais bon, là, nous, on aura des fumigènes. Hein, mais c'est-à-dire que exactement. Si t'es contre Cindy, tu termines pas la soirée, quoi. tu te fais déchirer, quoi. Et moi, j'ai hâte. Hein. On fait ça dimanche prochain. Et bien sûr, on fera un Facebook Live juste avant de le faire. Ce sera dimanche la semaine prochaine. Et puis, on reprendra des photos et on fera une grosse vidéo. Ça va se passer à Go Park. À Go Park, c'est dans le 95 du côté de Pontoise, hein, c'est exactement. Ça. Exactement. Et ben voilà, on vous dit tout. Amélie est avec nous. Bonsoir Amélie. Salut. Bonsoir Médoc, bonsoir Karel, bonsoir. Salut. T'as la jolie voix d'Amélie, quoi, sans déconner, dimanche soir, là, tranquille. Amélie, t'as 24 ans, t'es à Lyon. Oui, c'est ça. Tu nous appelles pourquoi, Amélie? Ben ouais, j'ai un problème. Je sors avec mon patron et je voulais savoir si c'était bien ou pas. J'ai peur. Il est marié? Non, il n'est pas marié. Il bosse dans quoi? Vous bossez dans quoi? Moi, je suis infirmière. Infirmière? Et lui, il est quoi? Il est cadre infirmier. Un cadre surveillant? Oui, bon, d'accord. Il est infirmier comme toi, on va dire. Hein, ouais, enfin, il est quand même au-dessus. Hein. Oui, bien sûr. Bah oui. Mais ça t'excite? T'es amoureuse? Oui, s'il est au-dessus, oui. T'es amoureuse? Bah, disons que ouais, j'ai bien flashé sur lui, mais j'ai peur après pour la suite. Si, je ne sais pas, si on est pour pas faire non, mais attends, après, il me vire. Ah, ça peut foutre la merde. C'est une histoire d'amour. Si c'est une histoire d'amour, c'est éminemment respectable. Le problème est de savoir s'il sort avec toi comme ça. Si visiblement il est amoureux de toi, pourquoi pas? Enfin, ça, je vois vraiment pas où est le problème. Une histoire d'amour peut se nouer au travail, oui. Bien sûr, mais alors, ça peut foutre la merde parce qu'une fois que tu te sépares et que t'es encore au boulot, la rupture est compliquée, quoi. Tu la vois à la personne tous les jours, ça peut être des tensions. Faut le savoir, quoi. Si t'es amoureux de quelqu'un et s'il est amoureux de toi. Ouais. Tu vas quand même pas te priver de cela parce que tu travailles au même endroit. Mais je suis d'accord. C'est une histoire d'amour ou pas? T'as pas répondu. Moi, oui. Après, oui, je sais pas encore. Ah, c'est la question à poser. Hein. On dit pas parce non à l'amour, Émilie. Non, mais attends. Ouais. Si c'est simplement pour lui un amusement, entre guillemets, qu'il trouve sur place, en plus, il a pas à se déplacer. Ouais. Voilà. Donc là est la vraie question. Parce que là, s'il profite de sa supériorité hiérarchique pour coucher avec toi, c'est limite. En revanche, il est amoureux, je trouve ça bien. Toi, Alice, tu pourrais sortir avec quelqu'un qui travaille à la radio, un animateur Non, elle ne sortira pas avec toi. À mon avis, elle ne va pas sortir avec toi. Mais j'ai rien dit, moi. Ouais, bah, c'est la question que t'as posée. Je pensais à Greg. Greg, qui aime beaucoup Alice. Là, étant en couple, tout ça, non. Enfin, dans ce genre de circonstances. Mais après, sortir avec quelqu'un du boulot, je ne vois pas où est le problème. Hein, bien sûr. Ouais. C'est là que se font beaucoup de rencontres, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Avant, oui, bien sûr. La majorité des couples se forment au travail puisque c'est là qu'on passe le plus de temps dans sa vie. Émilie, si t'es heureuse comme ça, moi je vois pas où est le problème. Hein. Profite. Non mais attends, pose-lui la question. Hein. Ouais. Parce que je lui dis, écoute, voilà, dans la situation dans laquelle on est, si c'est simplement bon pour toi un amusement, j'aurais le savoir. Moi, ça me pose un problème parce qu'en plus, je suis amoureuse de toi. Tu dois lui dire, cache ce que tu ressens. Et lui, s'il dit, je suis pas amoureuse de toi, pas amoureuse de toi, à toi de voir, mais voilà, tu risques de souffrir. Si tu veux, on peut t'aider, on peut l'appeler, hein, ouais. On va lui dire. Il travaille de nuit, il répond pas au téléphone. Bon, et suis bien les conseils du doc, Émilie, d'accord? D'accord. On te fait des gros bisous. Merci beaucoup, les filles. Salut, Émilie. Vous faites comme Émilie, hein, n'hésitez pas à nous appeler, hein, tous les soirs, 01 42 48 5000. J'aimerais qu'on remercie Alison, notre auditrice du soir. Alison, tu as été parfaite. Ben merci. Je te mets un 20 sur 20 et tu vas repartir avec ton cadeau de l'auditrice du soir. C'est un cadeau magnifique que va tout de suite te décrire Kassim. Quel est le cadeau de Alison ce soir? Qu'est-ce qu'on a dans le bureau qu'on pourrait lui offrir? Alors, il mesure 1m80, il a les yeux verts, il est brun.